IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Laurent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. On aurait pu faire une harmonie. Non, mais bon, c'était pas si loin. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Voilà, on en fait moins en ce moment. On en fait moins, mais en même temps, les conditions sont pas simples puisque nous, le concept, c'est de réunir des gens dans une pièce et c'est le truc qu'il faut éviter de faire en ce moment, malheureusement. Donc on... Voilà, on cherche des solutions, on cherche des petits trucs. Le célèbre Confifi, mon bon Pierrot, entendre ta voix me ravit. Oh, eh bien, de même. Je te le dis. Je te le dis. Adrien aussi, hein. Il n'y a pas de... Ouais, vite je ne parle pas, moi. D'accord. Tu ne parles pas dans cette émission? T'as décidé? Non. Pourquoi? T'as non, je laisse la place aux autres. Wow. J'ai raté ce que j'ai dit vos deux prénoms alors que j'avais prévu de vous introduire. Mais qu'à cela ne tienne, je vais le faire quand même. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses, tels étaient au départ les ingrédients pour créer les petits garçons parfaits. Mais accidentellement, le professeur Plutonium ajouta un autre ingrédient à cette mixture, une magnifique amphore que le monde nous envie. Enfant du soleil qui parcourt la terre, le ciel, c'est Adrien Méniel. Oh, Pierre, il a envie d'utiliser ses effets. Pardon. Faut savoir qu'on se parle sur Discord, évidemment, à cause du confinement. Nous ne sommes pas dans la même pièce. Et donc, du coup, Pierre a tout son set de gaming. Alors, les il gamers, a envie de faire le con. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il va s'abstreindre, s'abstenir même plutôt. Oui. S'abstenir. Si la gauche était au pouvoir, il aurait sûrement déjà guéri de la myopathie. En attendant, vous pouvez le retrouver sur son Twitch dans l'émission 301 vues ou sur des photomontages de tweetos d'extrême droite. C'est un fragment rocheux qui vit dans un clapier. C'est Pierre Lapin. Oh oui. Oh là là, quelle émotion, putain. Ah, donc. C'est marrant parce que je m'étais dit, comme il n'y aura pas de présentation, parce que généralement, quand on les fait comme ça, il n'y en a pas, je m'étais dit, je vais faire une surprise, je vais en écrire. Donc, j'avais commencé à réfléchir à des trucs. Ah merde, j'ai gâché tout. Non, il n'y avait pas besoin. Je ne les avais pas écrits, donc voilà. D'accord, ok. On s'en branle. Pour info, j'ai eu... on peut déconnecter Pierre, genre on l'invite, il dit, on s'en branle. Mais non, mais bon... Qui t'invite, Pierre? Je peux savoir qui t'invite? Ta maladie avec qui tu nous rabats les oreilles, on s'en branle pas peut-être. Apparemment, ça n'empêche pas d'aller aux manifs tous les deux jours, donc c'est pas si handicapant que ça. Hein. Écoute, je suis accablé si par cette maladie. Accablé. Oh, il l'a placé. Peut-être un avis sur Gérald Darmanin, Pierre? Une énorme... Mais on est d'accord que ces effets ne marchent pas. Ah oui, merde, ça ne marchera pas du tout. Pardon, j'ai fait un... Mais je le déteste. Il nous a fait un speech pour dire je pourrais pas utiliser les effets de mon Go XLR avant, et il le fait. Non, pardon. Du coup, il y aura un petit silence nul. Ce sera pas voilà. C'est ça. Vous le savez, quand il y a Pierre et quand il y a Adrien, ce sont des émissions un petit peu particulières, surtout à ce moment de l'année. Alors, vu que 2020, c'est une année qui nous en avait voir des vertes et des pas mûres, j'ai l'impression, je me suis dit qu'on allait la terminer plus tôt et faire ce bilan de l'année plus rapidement. Et le faire dès fin novembre, voilà, de se dire voilà, on arrête. Donc ce sont ces fameux épisodes où on revient un petit peu sur tout ce qui a fait l'année 2020. Une année riche, je pense qu'on peut se le dire. Mais avant de commencer, J'ai le petit jeu des grosses têtes pour vous. Le oh petit là jeu là, des incroyable. J'ai quelques infos parce que je sais que ça vous manque. Alors du coup, je me suis dit, moi aussi, ça manque de les préparer. Et je vous pose alors cette question. Deux sexologues ont découvert une nouvelle façon de s'octroyer du plaisir. À votre avis, laquelle? Faire un floodcast avec ses amis. Oh, pas mal, mais je parle en de branlant. Bon cul. Oui. Alors tu te rapproches, mais justement, on est dans cet univers. Alors c'est du domaine du cybersexe. Pas du tout. Se okay. mettre une non, manette vraiment, de PS5 dans le cul. Merci. @PlayStation.fr. Oui, alors peut-être que pendant cet épisode, nous ferons 2-3 références à PlayStation 5 en les arrobasant, mais à haute voix. Je ne sais pas si ça fonctionne, afin qu'ils nous en envoient une chacun. Ouais. Donc, PlayStation, si vous écoutez, bah, arrêtez d'offrir des PS5 à des gens qui ne jouent pas, même pas aux jeux vidéo, et offrez-les à nous. Ouais, c'est vrai. Ça Car nous, on est des purs gamers. Mais oui. Voilà, c'est ça. Attends. Donc, ce n'est pas s'enfoncer une manette de @PlayStation 5 dans le cul. Ok. Mais c'est du domaine du web? Non, pas du tout. Ok, donc c'est un truc, on va dire, digital. Enfin, c'est palpable, quoi. C'est un truc... Eh bien non, on peut se le faire tout seul à la maison, sans aide technologique. S'auto-sucer? Alors ça, c'était Léopold dans l'épisode qui n'a pas enregistré. Oui, et c'est aussi 95% des hommes qui l'ont testé, je rappelle, dans le monde. C'est des chiffres, c'est des chiffres que j'ai. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez vous auto-sucer, il suffit de s'allonger dans une baignoire que vous savonnez au préalable et vous glissez sur le côté, n'est-ce pas, ce qui vous permet de vous approcher avec une aide extérieure de votre propre pénis. Ah, comme dans Matrix. Mais évidemment, vous pouvez aussi. Il y a une dans Matrix. Non, mais tu sais quand il y a les gros bébés, il y a les gros bébés au début de Matrix. J'avais pas remarqué qu'ils s'auto-sucaient, mais je regarderai une espèce de baignoire, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. Mais si, tu te souviens pas de cette scène, Adrien, quand il arrive chez l'oracle, tu sais, il tord pas une cuillère, il se tord tout seul pour se sucer directement. Ah oui, les gens oublient. Mais moi, ça n'a rien à voir avec Matrix. Fallait s'enlever les côtes pour s'auto-sucer, donc je suis un peu déçu. Mais comme Marilyn Manson. Urbaine. Bien sûr, Marilyn Manson aurait fait ça. Ah oui. En tuant des poussins. Non, mais bon. Bon, est-ce que c'est donc il y a pas besoin d'un accessoire? Eh bien non, tu peux le faire sans le moindre accessoire, visiblement. Mais en fait, c'est des trucs genre dans la tête, quoi. C'est dans la pensée. Ça, il y a un peu de ça. Sachant que ça n'a rien à voir aussi avec la méthode de Josh Arnett dans le film 40 jours, 40 nuits, où il jouit en se caressant le corps avec des fleurs. Une méthode qui ne fonctionne pas. Je rappelle qu'il faut s'enfoncer la tige dans l'urètre. C'est comme ça que ça marche. La tige de la fleur directement. Ou pas. Enfin, c'est genre... Alors, rappelons que le sapiosexuel, c'est être excité par l'intelligence. C'est ça. Et ce n'est pas le cas là ici. Non. Okay. On est vraiment sur des stimuli. Quand on parle de plaisir, on parle jusqu'à l'orgasme ou juste du visiblement, plaisir. Voilà, ça peut être du plaisir et puis voilà. Bah ça peut être le plaisir évidemment d'Herbert Léonard qui fait ça pour le plaisir. Bien sûr. Maintenant, selon Kat Bolen et Mike Mavis, on va jusqu'à l'orgasme. Oui. Est-ce que c'est lié à cette pandémie mondiale en fait qu'ils se sont dit allez faut faire ça? Non. Ok. Non, se faire des tests PCR. Juste à jouir. Mettre le coton-tige dans l'urètre du test. Là. Ok. Putain. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Donc. Non. Ok. Pardon. Est-ce que c'est quelque chose? Il faut se mettre dans un certain état d'esprit. Bah, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit, mais il y a aussi un mouvement. En fait, l'idée, c'est ces deux sexologues disent, vous pouvez vous masturber sans vous toucher le sexe avec vos mains, que vous soyez fille ou garçon, mais il faut toucher peut-être d'autres choses. Donc faut être en esprit ou en moulin. Non, c'est en esprit du coup. Mais alors il y en a. Je vous en grille un. Il y en a plusieurs. Hein, je vous en grille un. Ah. Par exemple, on parle de massage de tétons. En fait, des sexologues ont rendu compte que juste en se caressant les tétons. Pardon, Adrien, tu dégueules. Bien sûr que non. Mais non, mais écoute, bien sûr que non. Écoute les chiffres. Une femme sur 8 peut jouir par la seule stimulation des tétons. Vous pouvez peut-être tester si vous faites partie de ces heureux élus. Caressez vos seins, faites des cercles autour de vos tétons. N'hésitez pas à vous masturber en écoutant ce podcast. Hein. Faites des cercles autour de vos tétons. C'est ce que j'allais faire, moi. Ou demandez à votre partenaire d'y porter une attention particulière, explique Kat Bolen. Est-ce que c'est pas lié aux oreilles? Ça peut faire partie des stimuli. En gros, le sexe... Les zones érogènes, en fait. Ouais, ils ont inventé les zones érogènes, quoi. Non, mais de dire que tu pouvais aller jusqu'au... Non, c'est easy, que tu peux aller jusqu'à l'oreille. Il parle pas des oreilles, mon petit Pierre Labzouze. Le cou Non. Le trou de balle. Ouais, ça a bien joué. Okay. Non mais il y en a en tout cas l'étude dit qu'il faut faire très attention à sa respiration et qu'avec une bonne respiration on peut jouir un peu avec n'importe quoi. Il y en a un que vous n'avez pas dit, je vous le donne, hein, vous inquiétez pas. Comme il y a les cheveux, bien sûr. Non, il s'agit du croisement de jambes. En fait, vous pouvez vous masturber sans toucher votre sexe en croisant vos jambes. C'est vraiment la bite. Oui, non, mais c'est, effectivement, c'est. Vous voyez le truc qu'il y a entre vos jambes là, que des fois vous l'utilisez pour faire pipi et tout. Bah, c'est ça. Voilà. Mais, je te parle de croiser les jambes et de les décroiser comme ça, tu vois, et de créer une simulation. Non, mais oui, t'as raison, Pierre. Bah oui, c'est ce que les enfants font ça. Ben oui, ben alors justement, on a beaucoup à apprendre des enfants, surtout en matière de sexe. Oui, je reviens cette phrase. Mais c'est des qu'est-ce qu'il y a entre les jambes ? Qu'est-ce qu'il y a entre les jambes ? Bah le sexe en fait. Merci quoi. Oui. C'est juste, bah c'est comme se branler, mais ça prend beaucoup plus de temps quoi. La thérapeute nous indique qu'on peut le faire assis ou sur le sol de manière à ce qu'un genou soit au-dessus de l'autre. L'important c'est que vous puissiez faire pression sur votre clitoris. Donc là, c'est plutôt pour les demoiselles. Donc on peut se déplaçant de gauche à droite. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit dans les embouteillages, lors d'un webinaire ou d'une réunion de travail. Bon, bizarre. Un webinaire. En qui chiant, s'est déjà branlé pendant un webinaire ici. J'adore les webinaires. Ah, moi, en fait, quand je fais un webinaire, je n'ai même pas besoin de me toucher puisque je jouis automatiquement. Tellement c'est un plaisir. Moi, donc, je suis non webinaire personnellement. Ah bon? Non. Okay. Il y a pas de oula, ça s'appelle un jeu de mots, Pierre. Calme-toi. Les jeux de mots le terrifient, Pierre. Bref, vous pouvez resserrer les muscles de votre plancher pelvien et relâcher-les à nouveau pour augmenter l'excitation. Ainsi, vous pouvez jouir en un rien de temps, conseille la spécialiste. Non, en un rien de temps, faux, je pense. C'est faux. Ouais. C'est en un rien de temps, mais à l'échelle du confinement où le temps est vraiment distendu, quoi. Ça prend 3 jours. Oui, parce que alors si c'est la vitesse que vous cherchez, nous on a une technique qui est, par exemple, si vous êtes un homme, vous attrapez votre pénis et vous le secouez. Voilà, ça, c'est une technique que je vous conseille. C'est une sorte de cylindre avec ses mains. Et, est-ce que vous vous et si vous êtes une femme, si je le savais, capté... ça se saurait. T'as dit quoi, Pierre? La première fois où vous avez capté que vous pouviez faire avec la main, vous vous en souvenez ou pas? Ouais, moi je m'en rappelle. Ouais. Putain, c'était fou ouais, quand même. Quoi, il y a 2 semaines. C'était quand toi, Pierre? Non mais je sais pas, tu vois, moi je me rappelle vraiment où tu te frottais un peu trop à tes coussins, où tu baisais littéralement ton matelas, et c'est venu tard le fait de genre « Ah putain, j'ai une main !» Bon, je baisais aussi ma peluche Nala au pire, tu vois, mais quand j'ai découvert que j'avais... Le même, hein, bien sûr. Le même, bien sûr. Non, mais vraiment, tu te frottais à des choses, et après de capter vraiment que ta main était un outil, c'était genre mind-blowing. Comme les hommes préhistoriques à l'époque. C'est hein. ce que j'allais dire, ouais. C'est vraiment un truc que les singes normalement découvrent très très vite. Quoi. Mais est-ce que t'as eu envie de baiser ta peluche Nala, parce qu'à un moment, dans Le Roi Lion, quand elle regarde Simba, elle a un peu des yeux, c'est juste après qu'ils aient fait des roulades sur Can You Feel the Love Tonight. Je me désolidarise personnellement. Mais non, mais. Vous vous souvenez pas de ce regard? Bon, on est sur des animaux et sur un truc pour enfants. Donc personnellement, c'est un dessin animé. J'avais pas 22 ans quand je me branlais sur Nala. Oui, mais maintenant là, t'es plus un enfant. Oui, je sais. En plus, te branler sur Nala, est-ce que c'est avec un petit cutter qui crée un trou? Mais non. Oh, pourquoi j'ai parlé de ça? Mais non, mais je veux dire que tu vois, t'avais des peluches, enfin, c'est un truc qui était dans ton lit et tu te frottais à des trucs et voilà quoi. Bon, raconte-toi, Adrien, quand est-ce que t'as découvert? Moi, mes parents faisaient l'effort de me branler, moi quand même, donc c'était quand même des choses. Bon, j'avais pas besoin de me soulager sur des peluches. C'est allé très Adrien, vite, tu te souviens pas? Non, enfin, je me souviens de la première. Enfin, non, en fait, la première fois que. Mais. Est-ce qu'on va vraiment parler de ça à chaque épisode? Mais pardon, je m'excuse. Tu veux qu'on passe à autre chose? Non, mais écoutez, j'ai aucune pudeur à en parler, mais j'aimerais qu'on essaye de rester light en termes de décilitres de sperme et voilà, qu'on maintienne le niveau un minimum. C'est vrai que ce podcast est devenu un gros podcast de bouffe, mais c'est pas pour me déplaire. Moi, c'est ma soupape, personnellement. Oui. C'est ma petite soupape. Adrien, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé la blague de The Weeknd avant l'émission, avant le dernier Floodcast. Ben, on l'a bien évidemment oublié. Non, moi je l'ai pas oublié du tout. Mais il faudra qu'on fasse un. Quand on fera un Floodcast sur Twitch, il faudra sub. D'accord, ok. Très vite la thune. Sur le Patreon de Floodcast qu'on va créer, pour ceux qui donnent 5 euros par mois pourront avoir accès à la blague cachée de chaque épisode. Ah ouais. Alors d'ailleurs justement, parce que nous on avait fait cette espèce de petite blague, alors qui n'était pas une blague, ils nous avaient vraiment payé, mais Big Flo nous sponsorise, le but était de motiver les marques à nous joindre. Alors c'est un échec hein, à ce niveau-là, mais donc je vais être peut-être un petit peu plus premier degré, donnez-nous de l'argent, nous voulons nous faire sponsoriser afin d'avoir énormément de thunes. Peut-être si vous êtes une marque de console de jeu effectivement. Mmh. Qui avait sorti un truc là, il y a pas très longtemps dans le commerce. Ouais, okay. N'hésitez pas. Mmh. Putain, d'ailleurs, après, je suis PC Master Race, donc je m'en fous, moi, perso. Wow. Toi, t'es pas team manette, j'ai l'impression. T'es pas team manette, toi. Si, mais sur PC. Oh là là. J'ai ma petite 8-bit doux. C'est la marque. Excusez-moi. C'est une marque, c'est une marque si de vous... gaming. Si vous êtes passionné de nouvelles technologies, j'ai l'impression que vous êtes en train de boire du petit lait à même le sein. le mien, hélas. Un sein avec un peu de poil autour du téton, mais quand même. Mais d'ailleurs, j'ai entendu une histoire assez folle de, apparemment, tous les gros colis en ce moment se font voler. Genre parce que les gens pensent que c'est... Enfin, genre, il y a des livreurs qui espèrent que c'est une PlayStation 5 et veulent la récupérer. Et apparemment, c'est le mauvais moment pour commander des colis un peu gros, quoi. Donc voilà, je vous le dis. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'avais commandé un respirateur pour passer de merveilleuses nuits. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. Bah, merci, arrobas PlayStation. Ouais, là, je suis pas sur ce bon moment de les arrobaser. Il y a eu une panique sur le compte Insta. Pardon. Mais non, mais bon, il y a eu une panique sur le compte Insta du pape François. Savez-vous ce qui s'est passé? Oui. Ah, il le sait, le Pierrot. Bah, il est spécialiste, hein, je te rappelle. Je suis spécialiste, ouais. Est-ce que, Adrien, toi, tu sais, tu as le droit à trois propositions. Trois propositions. Alors, une panique sur son compte. Est-ce que c'est. Ouais, mais alors. Ah, c'est genre proposition directe, quoi. Non, y a pas de question. Oui, t'as dit trois. Non, c'est que vu que Pierre le sait, moi je le sais, tu vois, c'est pour. Bon, d'accord. Bon, il y a du. C'est un truc. Une photo ou un truc qui a été posté par erreur? Non, mais on n'est pas si loin. En même temps, on est sur un sol, donc y a pas mille. Mais oui. Il a dit en fait, être juif, c'est mieux. Alors. Comment te dire non? J'aurais adoré. Il a vu La Passion du Christ, il a dit pas ouf. Pas ouf. J'ai préféré Space Jam. J'ai préféré Le Roi Lion et je vais acheter une petite peluche. Une panique. Panique de CCM et compagnie. Lui, je sais pas s'il était vraiment paniqué. Mais essaye d'isoler le réseau social, peut-être. Attends, Insta? Oui. Il a posté une story sans faire exprès? Non. Avec un filtre arc-en-ciel quand il vomit. Non. Mais oui, c'est sur Insta. Bah, c'est sur très spécifique Insta, Insta. Il a... Sur Insta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a liké une photo par erreur. Oh, bravo. Écoute, je te l'accorde. Il a liké ce qu'on appelle un boule, Adrien Méniel. Ouais, un énorme. C'est-à-dire que le compte Insta de Nata Gata, avec énormément de A, qui est une mannequin brésilienne qui a l'habitude de poster des photos où elle est un peu dénudée. S'est retrouvé liké par le compte officiel de Pontifex, hein, parce que moi je l'appelle Pontifex, par le pape Pontifane. François. Le Vatican a directement dit à l'AFP, nous pouvons exclure que le like soit venu du Saint-Siège qui s'est tourné vers Instagram pour obtenir des explications. Donc si vous voulez, le Vatican attend des nouvelles d'Instagram parce que pour eux c'est impossible que ça vienne du Vatican, ce like. En vrai, ils pourraient juste dire que c'est le CM et voilà quoi. Enfin, on sait très bien que c'est pas lui qui est sur Insta. Bah oui, c'est ce qu'a dit effectivement le Vatican. Le souverain pontifie ne s'occupe bien évidemment pas directement compte Insta qui compte quand même 7,4 millions d'abonnés. Et d'ailleurs, il n'a jamais liké quoi que ce soit. Pardon, Adrien. Non, je dis c'est étonnant parce que généralement, dès qu'il y a des petits écarts sexuels, généralement c'est hyper bien géré par l'Église et c'est de façon hyper honnête. Donc c'est étonnant que là, Mais est-ce qu'on sait que si Pontifex a reçu une PlayStation ou pas? Il a 7 millions. Alors, ça par contre, oui. Ah. On n'a pas de nouvelles, en tout cas, nous pas encore. Et d'ailleurs, si vous êtes @PlayStation, n'hésitez pas. Owaldi de Damprémy, un homme a cru faire une bonne action. Pourtant, c'est un peu un move d'ordure. Qu'a-t-il fait selon vous? Comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais pas, c'est un homme qui fait ça. Mais il l'a fait à l'Aldi de Damprémy. Ah, Aldi, une supérette, c'est ça? À l'Aldi de Damprémy, qui est une chanson de Benjamin Biolay. Je croyais qu'il s'appelait à l'Aldi de Damprémy, le mec. J'ai jamais dit ça. Arrête. Tu l'as sous-entendu quand même. Mais pas du tout, l'Aldi. Bon, Aldi. Pardon. Aldi, c'est un magasin. Toi, t'es dans ta tour d'ivoire. Évidemment, tu ne sais pas ce qu'est un Aldi, Adrien. C'est vrai. C'est vrai. Richman. Lui, il va au bon marché tous les jours, là. Moi, je me fais livrer tout bêtement. Waouh. Bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu quelque chose en rapport avec les surgelés. Il a foutu en l'air des stocks. Non. C'est pas vraiment une bonne Je vais vous donner quelques indices. Non, je vais vous donner quelques indices. La finalité, ah, je oui. parle. Sachez que cet homme a plaqué un SDF qui sortait en courant du magasin. Ok. Donc, il l'a soupçonné d'avoir volé, quoi. Alors, on y est. Il ne l'a pas. C'est pas qu'il ne l'a que soupçonné. Ce SDF avait volé. D'accord. Et du coup, il l'a plaqué neutralisé. Directement. Mais à votre et il avis, est mort. Non. Ce qui serait un peu sale vibe dans ce podcast oui. d'humour. Mais oui. Non. En gros, voilà, il a stoppé ce SDF et peut-être ça valait pas le coup. Pourquoi ? Bon, déjà, il aurait pu le laisser tranquille, mais il a d'autant plus. Il volait des masques. Non. Il volait un truc. C'est par rapport au truc qu'il a volé ? Ouais, exactement, Adrien. De la nourriture Non. D'ailleurs, la personne qui donc elle a plaqué au sol a dit si ça avait été pour de la nourriture, je me serais peut-être abstenu. Mais alors là, non. Il a volé. C'est quelque chose qui est tout de même plutôt essentiel en termes de besoins ? Pas pour tout le monde. Pour toi, par exemple. Des capotes. Des capotes. Non, non, non. Ah, un peigne ? Non, mais t'es pas loin. Le peigne, du shampoing. Oh, Pierre Lapin. Allez. Ce pauvre SDF avait volé 13 flacons de shampoing. Et pour se défendre, le monsieur donc qui l'a empêché de le faire, il a plaqué, a dit on parle de shampoing, ça pouvait sûrement lui servir à gagner des sous pour s'acheter de la drogue. Pas sûr. Oh la vache. Vraiment. Il y a des gros villes de shampoing. Moi j'ai vécu à côté de Porte de la à côté de Porte de la Chapelle, les mecs vraiment me proposaient du shampoing très, très souvent quoi. Ils avaient des jeux chantaient du basket. Impeccable. Ouais, extrêmement lissé. Eh bien non, ouais, voilà, une bien triste histoire. Et enfin, c'est une est-il première de droite, on sait si le mec est de droite ou je sais pas. On pourrait essayer d'enquêter. C'est une première dans le monde des chansons de Noël qu'a mis en ligne la marque Tells. Tells ? C'est quoi la marque Tells ? On s'en fout de la marque Tells. Ne la googlisez pas alors que vous êtes chez ça vous. Ça va. Un peu de contexte en fait. Mais bon, c'est pas grave. Si je vous en donne trop, ça va vous donner la réponse. Mais si c'est un rap de Noël ? Non. Non mais excusez-moi, vous êtes un peu un méchant d'un film des années 80, une espèce de sorcière un petit peu. Je suis le Joker. Oh, attention. Je l'ai vu d'ailleurs. Oh. Puisqu'on est. Bon, je l'ai vu entre temps. Attends, comment ça tu l'as vu ? Bah, tu l'avais déjà vu déjà. Ouais. Oui, je l'ai revu. Okay, je l'ai revu oui. du coup. Et t'as une vision différente, j'ai l'impression. J'avais. Clairement, oui, j'ai une interprétation complètement différente. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais, okay, peut-être. Effectivement, c'est pas les mêmes scènes qui m'ont marqué. Quoi. la scène du jus de fruits m'avait plus marqué la première fois. Et... Voilà, elle est passée un peu à la trappe. Et là que je l'ai revu, c'est plutôt aucune scène ne m'a intéressé. Ok. Wow. Attends, il y a eu Bad Buzz à cause de cette chanson ? Non, non, non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'elle est chantée par... Mais c'est la première, mais c'est la première chanson de Noël dans ce style-là. Elle a été écrite dans par toutes les langues. Non, mais ce serait une bonne idée. T'as dit dans quoi dans toutes les langues du monde. Non, mais t'as dit quoi, Pierre ? Non, par une IA, en fait. C'était écrit par une IA, intelligence artificielle. Non, ouais. Pas par une IA. Par des gens sur Twitter. Je danse le IA, d'ailleurs. L'IA, bien non, évidemment. Non, pas du tout. Bien sûr. Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis. Exactement. Ah, on Oasis, revient, le titre canadien de Joker. Le némésis du Joker, l'Oasis. est-ce que c'est la personne qui l'a écrite qui est une spécificité ? Non, non, non, non, c'est à qui l'interprète ? Ça s'adresse ? L'interprète et à qui ça s'adresse ? À des animaux ? Oui. À nos chiens ? Oui. Eh bien, bien joué, Pierre Lapin. Oh. C'est la première chanson de Noël écrite pour les chiens. Alors, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio ? Alors, attendez, est-ce que je voulais vous faire écouter la chanson, mais je me tape encore, comme tous les jours, une pub du joueur du grenier avec ta chauffe-plan ou je sais pas quoi. Et Zalando, peut-être aussi. Ouais. Ah ouais, Zalando. Alors, Zalando est le joueur du grenier. Peut-être encore plus présent sur YouTube. Ouais. Je parle de la pub. Hein. Je suis abonné YouTube Premium, personnellement. Ah ouais ? Ah ouais, toujours ? Ah non, t'as... Ah ouais, non, mais moi je suis. Bah, moi je regarde. Série, ça me peut-être. Fait chier d'avoir des pubs, quoi. Ah, non, non, mais okay. Je paye, hein. Je paye, moi. Juste. Je paye. Je paye. Ouais. J'ai payé. Donc, la chanson s'appelle Ray. Excusez-moi, je suis. Mon temps mal fait. Pardon. Comment vous allez, Yves Montand Malfait? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Je chante des petites chansonnettes. Et quand je regarde par ma fenêtre. Mais c'est pas Yves Montand Malfait. Ah si, bah c'est pas. Non, c'est pas Yves Montand. C'est Yves Montand Malfait. Ah non. Pas du tout. Je suis Yves Montand Malfait. Yves Montand Malfait, j'avais une question à vous poser. Oui. Quel est votre moyen de locomotion préféré, Yves Montand Malfait? C'est la bicyclette. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous prenez des jumps, monsieur Montand Malfait? D'ailleurs, est-ce que Yves Montand, c'est votre prénom et Malfait, votre nom de famille? Je possède ma propre bicyclette. Je ne participe pas à la société de consommation. Ah non, mais alors c'est intéressant. Yves Montand Malfait est plutôt de gauche. C'est la lutte finale. Mais faites attention à votre vélo, près de Stalingrad, c'est un petit peu chaud, hein. Attention. Ouais, des gens volent des vélos, hein, Yves Montand Malfait. J'ai un anti-vol. Ouais, mais bon, ça. Ah, je vous conseille d'en mettre deux d'ailleurs, hein. Un sur la roue avant, un sur la roue arrière, et plutôt les U là, les trucs les un peu U, durs. Ouais. Les kryptonites. Oh, je le mettrai sur le montant de mon vélo. Je ne sais pas si c'est un vrai terme. Pas du tout. Absolument pas. Bon, monsieur Malfait, d'ailleurs c'est monsieur Malfait, monsieur Montand Malfait. Montand Malfait, oui. D'accord. Monsieur Montand Malfait, je continue mon article. Donc Raise the Wolf, la chanson pour les chiens de Noël. En fait, c'est un rythme. Alors, je vous dis pas le style musical, vous allez pouvoir le goûter. Du reggaeton. Mais en tout cas, c'est une chanson composée d'une succession de bruits de cloches, de couinements de jouets, de compliments et d'ordres prononcés par les maîtres. Je vous propose d'écouter ce petit son. Si Francky est vers toi, Adrien, attention, parce qu'elle va peut-être mettre un petit chapeau de Noël et dresser un sapin. Je vois bien. 7. Oh, ah, c'est duré. 7. Dinner time. Who's this? Who's this? 7. Ah, mais c'est 7. J'ai un coffre d'instruction, quoi, comme sur Pornhub. Oh, good God. Who's this? Bon, on fera notre propre chanson peut-être en fin de podcast. Reggae pour les chiens. Reggae de Noël pour les chiens. Babylon! Est-ce que tu m'entends? La canisette, c'est la galère. Mon mec me tire la laisse. Quand on sort le soir, c'est la misère. Le chat a sa litière dans le salon. Discrimination. Je monte pas sur le canapé. Pas de royal canin à la maison. Oh, quand il me lance la balle, je crois comme un malade. Je ferai pas de vieux os. Oh, tout ça pour comprendre qu'elle était cachée derrière son dos. Papa Noël, Babylone me saigne, me prend la tête. Papa Noël, donne-moi un jouet qui fait pouet pouet. Yo yo. Babylon. Il s'agit du flot de cast. Les amis, c'est la fin de l'année quasi. Hein, bon, en fait, il reste un bon quasiment. Mois. Mais sacré satané 2020. Alors là, et si je devais nommer, bah ouais, si je devais nommer les couleurs que tu nous as fait voir, bah je pense que ce serait sans fin parce que c'est toutes. On aurait plus vite fait de nommer les couleurs qu'elle nous a pas fait voir. Parce que ça prendrait zéro seconde. Parce qu'il n'y en a aucune, d'accord? C'est ça. Donc, afin de faire le petit bilan comme nous le faisons chaque année avec mon Pierre anecdote, Adrien, je me la fourre dans le cul. Quoi. Oui, j'avoue. Oh là là! Pierre, c'est pardon, excuse-moi. Ça n'est pas ta propre merde, cette anecdote, Pierre. Donc, tu ne la foutras pas dans le cul. Mais tu sais, je suis allé en manifestation et du coup, j'ai voulu backuper mon téléphone pour mes vidéos 365 secondes. Bien sûr. Fais ta pub, Non mais ma première seconde, c'est littéralement vraiment un feu de forêt, quoi. Et après, bah c'est oui. que de la merde. Et c'est assez rigolo de voir un peu comment on s'enfonce dans cette année et de voir un peu en mars tout ce qui se passe. C'est très très drôle, quoi. Alors avant de... Par drôle, tu veux dire l'inverse de drôle. C'est exactement, ça que ouais. Quand tu dis drôle, ouais. En fait, c'est mon mécanisme de défense, l'humour, en fait, Adrien. Voilà. Bah t'es magnifique, mon pauvre. Donc oui, comme chaque année, on va voir les top films, top jeux vidéo et voir un peu les événements qui ont marqué 2020. Et croyez-nous, croyez-moi, on va bien se marrer. Je commence avec le top cinéma. Est-ce que ça vous va? Ah, j'adore. Bien sûr. Ah, surtout Adrien. Alors, bah, ouais, moi, je suis chaud, on va. Hein. Alors, j'ai pris le top 20, mais voilà, on ira peut-être un peu plus vite. Le 20e film préféré des gens. Alors, et bien heureusement, évidemment, il n'y a pas tout le mois de décembre. En même temps, on ne sait même pas si les cinémas vont rouvrir. C'est ça. Donc voilà, il manque quelques films qui sont attendus, comme Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis, Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal, tout ça. Mais en tout cas, là, à compter du 21 novembre, parce qu'on enregistre le 21 novembre, le 20e film préféré des gens est Les 7 de Chicago de Aaron Sorkin. Film Netflix, Aaron Sorkin qui a écrit Social Network, entre autres. Est-ce que Pierre, tu l'as vu, toi? Non. Tu n'as pas vu, d'accord. Adrien, tu l'as vu? Bah, évidemment que je l'ai vu. Ah oui, ouais. Évidemment. Bah, j'ai vu, a priori, tous les films qu'on va citer. Bien donc, sûr, oui. Ah ouais? T'as grosse année cinoche pour toi? Ouais, ouais, bah, comme l'an dernier, quoi. Ouais, ouais, t'as bouffé de la pellicule. Non, mais parce qu'avec le contexte actuel, c'était un peu dur. Enfin, je veux dire, aller au cinéma, non, fallait non, mettre des masques et tout. Non, non, t'as pas lâché. Ouais, mais moi, mon amour du ciné voilà, ne connaît pas d'obstacle, en fait. D'accord. Donc, les 7 de Chicago. Les 7 de Chicago, bah, en fait, c'était un gang, c'était un peu dans le style... pas du tout les incorruptibles, d'ailleurs, justement. Mm. Ils étaient très corruptibles, c'est d'ailleurs ça qui les a fait tomber. Parce qu'ils étaient d'abord... Ils étaient 7 au départ, 7 bandits. C'est le début du grand banditisme, en fait. Chicago, très connu. Ouais, pour, en fait, c'est des gens qui ont milité par rapport au Vietnam. Et mais, ils étaient après 6, puis 5, puis, bon, puis après 0, quoi. Exactement comme le nombre de couleurs que ne nous a pas fait voir l'année 2020. Et tu spoil un peu, là, du coup. Oui, oui, non, mais après, ça c'est dans les deux premières minutes du film qu'ils meurent tous. Ah, ok. Ah, ouais, putain. Du coup, le titre. Mais du coup, c'est peut-être le défaut du film, c'est que le titre, du coup, est pas vraiment parlant. En termes d'écriture, c'est très très mal dispatché, quoi. Ouais, alors, c'est étonnant que dans lui, quoi. Il y a bien trois actes, mais les trois premiers actes sont terminés, enfin 98% du film se déroule dans les trois premières minutes du film. Et à la fin, le dénouement dure 2 heures. Wow. Ah oui, donc problème de structure, quoi, on peut le dire. C'est ça, voilà. Après, t'as peut-être une... Toi, qui l'as vu aussi, j'imagine, a peut-être une autre... Non, moi j'ai trouvé ça vachement bien, bah, surtout que ça raconte quand même le procès des manifestants lors de la convention démocrate de Chicago en 68, donc exactement. Oui. Mais non, j'ai trouvé ça cool. Après voilà, les dialogues sont stylés, les personnages sont chouettes. Après moi j'adore les films de procès, donc parce que tout se passe pendant ce procès. Donc moi je suis pas, je suis pas objectif parce que vraiment moi tu mets un film de procès, je suis trop content. Comme c'est quoi ton film que de procès, bref, du coup. Bah moi c'est comme Adrien Méniel, c'est les 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, incroyable. Ah ouais, bah ouais. Bien sûr, qui est plus un film derrière les procès, mais voilà. Et moi pour revenir au film en question, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes où il parle longtemps en marchant, dans les couloirs. Mais il marche pas tant que ça, parce que c'est effectivement la phrase qu'on dit beaucoup d'Aaron Sorkin. Mais vu que là déjà, ils sont dans d'où un... tu me reprends, je l'ai vu le film, donc me dis pardon, pas. Pardon. Bah toi tu trouves qu'il marche pas tant que ça. Toi tu trouves qu'il marche quand même beaucoup. Bah moi je trouve que voilà, Sorkin... Sorkin, la spéciale, quoi. En tout cas, Mark Rylance, c'est super dans le film. Donc voilà, c'est sur Netflix, si jamais vous avez Netflix. Ouais, numéro 19, bien. Été 85. Le chef des bandits. Été 85 de François Ozon. Bien sûr. Ozon, allez voir des films français, j'ai envie de dire, parce qu'il en a bien besoin, le cinéma français. Mais Ozon, allez voir des films pendant le Covid. Ozon causé, d'ailleurs. Ozon causé. Wesh, wesh, les amis. Ah! C'est bah, Ozon que j'ai mal fait. Parce que moi je croyais que c'était Winnie l'ourson. Mais oui. Pas de journée. Ok. Oh non. Non, il est revenu. Été 85. Été 85, Adrien, de François Ozon. Alors déjà, toi, t'avais vu les 84 premiers étés ou pas du tout? Oh, t'es bête. Non, bien sûr que c'est pas ça. Mais on est sur. Bah, pour moi, c'est une fable. C'est une fable, ce film. C'est un peu contemplatif. C'est genre. Vous prenez une loupe, vous regardez la vie. Et bon bah voilà, au lieu de voir la vie dans son ensemble, vous regardez une petite partie de la vie, quelque chose, mais même c'est presque un microscope à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que on regarde vraiment la vie dans ce qu'elle a de plus intime, de plus peut-être le dénominateur commun de la vie. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que plus on aura tendance à dire, mais plus on va dans quelque chose de spécifique, moins ça va parler aux gens. Et en fait non, parce que là c'est presque du cinéma quantique. Ah ouais. C'est-à-dire que là, on arrive à l'atome créateur de l'existence, quoi, de la vie en société, en tout cas, la société française. Donc, t'as pas vraiment aimé ? J'ai beaucoup aussi, si, j'ai beaucoup aimé. Ah, pardon, aimé. Excuse-moi. Pardon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, quelque chose qui parle à tout le monde finalement. C'est en allant au plus profond de l'intimité qu'on trouve l'humain, quoi. Pierre, toi, tu ne l'as pas vu ? Non. Je déteste cette année 85 et je m'interdis de regarder quoi qu'il en sorte de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé en 85 ? Je préfère pas en parler, mais voilà, ça m'énerve. Ah, ok. D'accord. Voilà, non, après, on peut passer à autre chose, mais voilà. T'étais pas né, Pierre, on est d'accord. Non, du tout. D'accord. Est-ce que c'est parce que c'était l'année de sortie de la chanson La boîte de jazz de Michel Berger ? Alors, pardon. C'est Michel Jonas. Ah oui, c'est Michel Jonas. Ah merde, c'est pas Michel Berger ? Mais non, bah non, bah non. C'est un peu naze, je sens la boîte de jazz. Mais c'est incroyable, j'ai toujours cru que c'était. Pardon. Mais vous avez raison, bien sûr. On est les joueurs de blanche. C'est ça. Pourquoi j'ai dit on n'est pas loin de. Ouais, n'importe quoi. Ouais, Michel Jonas, en tout cas, moi, c'est Florent le naze de m'être trompé. Bah, donc, été 85. Un jeune naze. Donc, ouais, moi, j'ai bien aimé été 85. Après, moi, j'aime bien souvent. Parce que j'adore le Siloche. Mais le duo de comédiens, à savoir Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, qui est dans un super autre film qui s'appelle. Merde, j'ai oublié le titre. Ah, putain. Adrien, peut-être. Fenêtre sur cour. C'est vraiment ouais peut-être. Ah ouais, non le voisin quoi. Non mais c'est un film de Benjamin Parent, un vrai bonhomme. Voilà pardon. Un vrai bonhomme qui est un film qui est un peu passé inaperçu malheureusement, mais qui est aussi un très chouette film si vous voyez passer en VOD. Et j'aime beaucoup Benjamin Voisin et donc été 85 j'ai trouvé ça très très cool, mais à la différence de Pierre, j'adore l'année 85. C'est d'accord, un peu Stranger okay. Things, mais ça n'a rien à voir. Voilà. D'accord. Le film d'après, c'est The King of Staten Island. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, mais je sais que toi, Pierre, tu as pas mal aimé aussi. Ah ouais, mais vraiment incroyable. J'avais un peu perdu Judd Apatow sur ses derniers trucs, et là, il m'a reconquis. Donc, je sais qu'on peut le reprocher que c'est très très long ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment adoré, et puis je trouve qu'il y a vraiment une dimension assez personnelle avec l'histoire de Davidson, où ça fait l'acteur principal, assez... ouais, qui fait écho un peu avec sa vie, mais bon, je laisserai Adrien en parler. Et du coup, c'est assez émouvant de voir ça, c'est assez drôle. Non, c'était feel good pour moi vraiment. Et puis en termes de casting, même dans les seconds rôles, c'est juste incroyable. C'est insane ou pas ? C'est la question que je te c'est pose. Insane, c'est insane, ouais. Pardon. Très clairement insane, ouais. Ouais. Oui, c'est pour moi c'est un peu le film d'une génération quoi, c'est-à-dire qu'on a ce personnage avec tous ses tatouages et au bout d'un à mesure qu'on voit qui se dévoile, on voit finalement ses tatouages, on se demande mais ce sont des tatouages ou des cicatrices finalement. Ouais. Parce que la vie ne l'a pas épargné et finalement est-ce que justement ces tatouages c'est pas un symbole pour se dire et si nos blessures on en faisait des œuvres d'art, on n'en faisait pas des façons de célébrer la vie, quoi. C'est un peu ça, finalement. Je suis totalement d'accord avec toi, en fait, parce que en fait, la vie, qui est un petit peu rude, surtout pour tout le monde en ce moment, en fait, la vie, elle va pas nous appeler quand elle va nous blesser, tu vois. Et en fait, non. Ce qui est beau dans le tatouage, c'est qu'en fait, tu choisis tes blessures. Et d'ailleurs, le film dit un peu la vie ne vaut rien, mais au final, on se dit que rien ne vaut la vie. C'est ça. Mais moi moi ce que j'ai aimé c'est que le film se termine sur ses paroles. Le personnage il est dans la ville comme ça, il est assis sur le toit de sa maison il regarde Staten Island, voilà, qui est la ville qu'il a vu grandir, etc. Et il dit où est le respect. C'est vrai ça. Le film se finit là-dessus, quoi. C'est vrai. Et tu te dis, mais oui, c'est vrai, finalement, cette question que personne n'a posée. Finalement, lui ose, mais c'est une fin ouverte, du coup, parce que. C'est le cousin à qui, en fait, aussi, il dit, je crois. C'est ça, il dit. Et d'ailleurs, oui, parce que il faut savoir, la puissance du parallèle fonctionne. On peut la saisir parce que le film s'ouvre sur un accident de voiture et le héros dit qui a fait ça. Et pardon, mais je veux pas spoiler, mais tout ça prend un écho, je trouve, bien plus monumental avec cette scène de repas où le héros solitaire attend pour manger et lance cette question aux autres gens de sa famille : qui peut s'asseoir à ma table ? Il le demande comme ça, il dit bah qui veut s'asseoir à ma table. Parce que lui, il est seul. En fait, c'est un personnage qui est toujours en déconnexion avec les autres. Très déconnecté. Et surtout avec sa famille. Et c'est-à-dire que lui, il se dit, je vais faire l'effort d'aller voir ma famille un repas. Mais le problème, c'est que lui, il s'assoit alors que tout le monde en est encore à se dire bonjour, à prendre l'apéro. Et il dit, mais enfin, bon sang, mais qui peut s'asseoir à ma table? Je vous en conjure. Venez vers moi, quoi. Venez à moi, quoi. Et la déchirure, évidemment, c'est quand finalement les autres finissent par s'asseoir à sa table, il est déjà parti. Ben oui, il y a Bill Burr dans cette scène d'ailleurs, qui est incroyable. Ouais, c'est Bill Burr. C'est Bill Burr qui d'ailleurs régulièrement dans le film dead ça, assez régulièrement, dans une succession de scènes, il dead ça. Bill Burr qui est assez salé d'ailleurs. Ouais. Mais qui a une petite salée. Oh oui, pardon. Bill Burr salé. Bon, il n'est pas complètement, mais disons qu'il est peut-être à moitié, peut-être, je sais pas si on pourrait... Non, mais des fois, il est quand même un peu doux. Demi-sel, quoi. Il est doux aussi. Mais oui, non, mais c'est ça. Ça dépend des scènes. Ce mec, il est un peu fondu, quand même. Bon. Pardon. Non, mais très bon film. Très bon film. Très bon film. Ouais. Non, vraiment. Bah, moi, je vais sûrement vous surprendre, mais j'aime plutôt bien Judd Apatow. Ah ouais. Voilà. Putain. Bah ouais, c'est un truc, bah, je le cache le plus possible. Hein. Ouais, voilà, moi j'ai adoré, c'est un de mes films préférés cette année. Le film La Plateforme. Attendez, j'ai un petit jeu à vous proposer. Ah, vas-y. Je vais faire une imitation et vous allez devoir deviner qui c'est. Okay. Vous pouvez jouer chez vous, hein, bien sûr. Oui. Ah, mais j'ai envie de dénoncer Jésus, mais je sais pas comment faire. Je dois aller voir qui. Non, mais je sais pas. En fait, je voudrais dénoncer Jésus. Je crois que je l'ai. Vas-y. C'est un Judas Pato. C'est ça, c'est Judas Pato. Mais c'est magnifique, ouais. C'était lui. Bah merci. Mais ne riez pas loin du micro, sinon c'est juste un silence. Non, mais alors, j'ai une devinette aussi. Ok. Si, par exemple, au courant de la semaine, j'ai entre mercredi et vendredi, j'ai mis mon réveil à... midi et demi, 13h. Ouais. Je me suis levé quand à peu près? Bah, pas tôt. Jeudi, pas tôt. Jeudi, pas tôt, pardon. Eh bah, s'il te plaît. Film suivant, c'est La Plateforme. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, La Plateforme. Ah. Apparemment, c'était sur Netflix. Ça fait un petit buzz, hein. C'est quand même un des films les plus vus avec le film du père handicapé mental, mais que j'ai c'est pas vu non plus, qui dure 3h30. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais La Plateforme, alors, est-ce que c'est bien, Pierre, toi qui l'as vu? Alors vraiment c'est incroyable et en fait ça faisait longtemps que je trouvais qu'on n'avait pas eu de film un peu high concept comme ça. C'est le nouveau Cube pour moi. Très clairement, mais je te laisserai vraiment en parler parce que je suis très curieux de ça, mais qui est très très actuel en fait et surtout qui nous donne une image un petit peu de qu'est-ce que c'est un peu le système de classe, de privilèges et tout. Exactement. Ça et qu'à tout moment tout peut se renverser. Donc c'est incroyable. J'ai cherché Macron au générique en fait, tu vois. Bah surtout à la fin. Bah c'est lui. Tu m'étonnes. Et non, c'est assez cru, assez violent. Mais j'ai vraiment adoré un bon film espagnol et ça nous change un peu de Casa de Papel. T'es raciste. Oh. Adrien ? Non. Oui, non, mais après, je ne ferai que répéter ce qu'a dit Pierre, mais c'est un miroir de la société. Alors, il n'est pas noir celui-là, hein, puisque celui-là, on en a soupé un peu. Oui. Hein, mais c'est, cela dit, il n'est pas tout clair non plus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être un. Éviter d'évoquer ça, Adrien, quand même, parce que. Hein. Oui, c'est vrai. Mais après, je suis l'élite, donc j'ai le droit. Snobisme de merde. Ouais, okay. Je rappelle que je suis l'élite. Pardon. Alors, peut-être on peut expliquer aux gens vite fait quand même. Plein de gens sont passés à côté, mais il y a eu un article, Combini, qui parlait de cet élitisme qu'ont les gens à faire des blagues sur ces Black Mirror. En gros, ça disait qu'on pouvait plus dire que quand la société partait un peu en couille, oh là là, c'est Black Mirror, et que c'était devenu une phrase pour se moquer des gens qui disaient cette phrase, en gros. Et dans cet article Combini, quelle ne fut pas notre surprise, parce qu'on est quand même dans aucun article avec Floodcast, mais quand c'est un article pour chier sur des gens... On aura peut-être une PS5. Ouais, exactement. Mais là, en l'occurrence, nous y sommes, puisque Adrien, ton nom a été cité dans cet article. C'est ça, un article qui parle donc de l'élite, hein, je rappelle, l'élite d'Internet. Hein, c'est l'élite d'Internet qui le juge titre, les gens. Le titre exact, c'est comment l'élite d'Internet nous a ôté le droit de citer Black Mirror. Ôté. Dites, c'est comme dans Black Mirror et vous passerez pour un bouffon fini. Et alors, je cite le paragraphe qui cite Adrien Méniel, l'élite du web. La stigmatisation n'aime rien tant que pavaner avec sournoiserie. Dans l'influent podcast du Floodcast, ça c'est nous, il n'est pas rare d'entendre Adrien Méniel prononcer la phrase « À mes yeux, c'est Black Mirror ». Waouh. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est rare maintenant, à l'heure actuelle, parce que je ne le dis plus depuis 2-3 ans. Mais c'est vrai. Voilà. Alors, moi, peut-être aussi, juste... alors, on dit « se pavaner » déjà. Et le podcast du Floodcast, bah, c'est peut-être un poil redondant, vu qu'on est un podcast. Et peut-être juste dire le Floodcast. Moi, voilà. J'ai aimé qu'ils disent qu'on est influent. C'est assez rare que j'en le dise, ça me fait plaisir. Pas au point d'avoir une PS5, mais... C'est là où je voulais en venir. C'est que j'attends quand même une petite PlayStation, @PlayStation France. Mais on vu est quand même un peu... ce sera quand même la moindre des choses, ouais. Mais après, ce qui est vexant, c'est que ça vient de Combini Tech, en plus. Oui, qui est quand même mon domaine de prédilection. Bah, quoi. C'est ça, ouais. C'est un crachat au visage, Adrien. Me faire chier dessus par la tech, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas digérer, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, me faire chier dessus par la tech. Pardon. Petite wow. Ouais, bien sûr. Le film d'après. Pardon, excuse-moi, Pierre. Je voulais Axel Bauer. Axel Bauer, ouais, tout simplement. Mais non, mais peut-être que Adrien pouvait nous expliquer le concept du film qui, quand même, tout repose là-dessus, je sais pas, de la plateforme. Oui, bah, c'est des gens qui. Mais là, je vais dire le vrai truc parce qu'en fait, j'ai un peu. Enfin, le vrai truc. C'est des gens qui se retrouvent. Ils se retrouvent un peu prisonniers sur une plateforme avec un trou au milieu et ils constatent qu'il y a des gens qui sont. Il y a différents niveaux, quoi, des plateformes. Ouais. Oui, bon, et évidemment, bah, ceux qui sont en haut, ils ont toute la bouffe. Et puis bah il y a les restes de la bouffe qui tombent. Et puis les autres, plus t'es bas, moins t'es. Enfin, tu manges les restes de ceux. De ceux des niveaux du dessus, mais plus t'es bas, moins t'as à manger, etc. C'est-à-dire c'est le niveau de Fall Guys. Fall Guys. pour moi, c'est cité Ragasonic. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Bah dégoûté. Alors, j'ai une question, Adrien, pour toi. Oh, est-ce que la plateforme, ça se regarde sur quelle plateforme? Oh, je transpire. Sur quelle plateforme? Je peux regarder la plateforme. Sur Netflix. La réponse est Netflix. Je savais pas que c'était une vraie question. Ah oui, non, mais si. Un autre de mes films préférés de cette année, qui est sorti très tôt, c'est L'Adieu de Lulu Wang. Ah. Film A24. Très joli film. Tu l'as vu aussi, Pierre? Incroyable. Avec Aquafina. Bien sûr, la célèbre. D'une sensibilité incroyable. D'une justesse, non, il y a toujours des scènes un peu clairement cultes à mes yeux, en fait. Voilà, j'ose dire ces mots-là. C'est comédie dramatique, mais c'est magnifique. Ça. Voilà, sur le deuil, la vie, la peur sur, de la mort. Sur Nicolas Deuil, sur le deuil. On est un peu sur les mêmes thématiques que le Ozon de tout à l'heure, quoi. On regarde la vie dans ce qu'il y a de plus essentiel, quoi. C'est ça, de la famille. De plus cru et de plus... Voilà. En fait, ce qui nous fait souffrir et ce qui nous fait éclater de rire sont finalement les deux faces d'une même pièce. Et c'est ce genre de film qui nous fait l'accepter, quoi. C'est très, très juste. Ouais. Après, bien sûr. Les enfants et du toi, temps. Et toi, Florent, mais peut-être raconte-nous aussi, peut-être qu'on te coupe la parole, je sais pas, non Bah non, mais moi, tu sais, moi, je dis juste ce que j'ai aimé. Mais moi, non, j'ai beaucoup aimé L'Adieu. Effectivement, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très touchant, c'est un beau... C'est ces films feel good, mais pas cliché. Quand t'as fini le film, t'es sur un petit nuage. Voilà, c'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment, c'est le cas. Moi, j'ai vraiment adoré. En plus, c'est con, mais ça te permet de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez d'Européen. Typiquement, sur la gestion du deuil. Moi, je savais pas du tout comment ça se passait en Chine. Donc, c'est super cool à ce niveau-là, quoi. Tu vois, ça t'ouvre un petit peu des perspectives. Et c'est assez intéressant et c'est assez beau. C'est très touchant. Et c'est quand même très drôle, je le dis, parce qu'il y a des scènes de comédie qui marchent, je trouve, vraiment bien. Et voilà, donc je vous le conseille très très fort, L'Adieu de Lulu Wang. Le seul peut-être bémol, c'est d'avoir choisi Corona Song comme BO, quoi. Mmh. Bah, surtout dans cette... Débarqué un jour de Chine, en fait, ils se sont dit, bah, ça parle de nous, on va le prendre. C'était vraiment une grave erreur, hélas. Après, il faut dire que Lulu Wang ne parle pas français, donc en fait, elle a juste vu, elle s'est dit, elle ça rentre. Très mal conseillé. Très mal conseillé. Alors... Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Moi, j'ai pas vu ça, c'est un animé. Redis le titre. Les Enfants du Temps. Bien sûr, oui, bien sûr. Ah, toi, tu l'as vu? Bah, oui, évidemment. Bon, c'est évidemment. En deux lignes, en fait, peut-être. En deux lignes, non, mais le truc, c'est... bon, j'ai pas adoré le film. En revanche, on salue quand même la prouesse de renouveler le thème du voyage temporel, quoi. Parce qu'on l'a vu à tort et à travers. Là, il y a quand même... Je vais pas spoiler. Il y a quand même une approche qui est assez originale et qui a... À ma connaissance, c'est jamais vu encore dans le cinéma. Peut-être trois mots clés pour que les gens, ceux qui l'ont vu, voient de quoi tu parles. Trois mots clés. Le mot clé déjà. Souvenir. Ouais. Clé, tu crois pas si bien dire. Bah oui, bah je sais bien. Souvenir, clé et pardon. Et pardon. Okay. Bien joué. Et pardon. Bien sûr, si ça peut vous mettre mais un petit coup, peu. C'est sur des enfants qui voyagent dans le temps. Ah, n'en disons pas trop. Après, okay, ouais. À partir du moment où tu voyages dans le temps, on est tous des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Okay, tu vois ce que je veux dire? C'est une espèce de looper. Voilà. Ok, d'accord. Bah, je suis curieux. Et Adrien, ce choix. Pas du tout. Tu l'as vu en VO ou en VF, Adrien? Parce que je sais que la VF, il y a ce choix. VO sous-titré, moi, bien sûr. Ah, VO sous-titré. Non, parce que la VF a ce choix surprenant de Koé qui double tous les personnages. Et ça, c'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui ont moins aimé. Moi, j'ai vu que la bande annonce, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Mais donc toi tu l'as vu en VO, donc tu peux pas vraiment juger la VF. Oui, en VO sous-titré, bien sûr. D'accord. Okay. Tu n'es pas Play d'Anthony Marciano avec Max Boublil et Alice Zaz. Film à la première personne, film français. Une comédie avec Max Boublil. Moi j'ai bien aimé ce film. J'ai trouvé ça très chouette, très rafraîchissant. Et c'est ça. C'est un film, l'histoire est toute simple. Hein. C'est un gars qui se filme pendant de son enfance quand on lui offre une caméra à sa vie d'adulte. C'est un film en found footage. Et j'ai préféré la première partie, quand c'est l'enfance et l'adolescence, parce que j'ai trouvé ça extrêmement juste. Mais toi, tu étais un fondu de la nostalgie, c'est ton soda, toi. C'est bon, on revient à ce petit lait coulant du sein, tu vois, que je gobe sans sourciller. Je tète Max Boublil, c'est là où je voulais en venir. Non, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. En plus, c'est vraiment notre génération. Lille. Max Boublil, bien joué. Ah, si tu le têtes, excuse-moi, pardon. Non, c'est mais bien ça vu. C'est bien vu. Ah, puis ça marche en anglais, en français, c'est top. Et non, dans le Nord aussi. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment bien. Lille, la ville de Lille. Arrête, putain. Boublil. Peut-être un petit montage d'un saint dans le nord de la France qui mange du maroilles. Max Boublil. <Voilà. rire> donc voilà, là j'ai vu qu'il était en VOD et franchement c'est vraiment un très chouette film. Je l'ai trouvé très mignon et très rigolo. Pardon, vas-y, je t'en supplie. Dans le casting, il y a Arthur Pilu, voilà, qu'on adore, qui est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui, je crois que c'est son premier film en tant qu'acteur. Et il y a une actrice que j'adore qui nous a fait la chance, enfin l'honneur pardon, d'accepter de jouer dans La Flamme. C'est Noémie Lvovsky, qui est une actrice que je trouve incroyable, et ça me fait toujours plaisir de la voir parce qu'elle n'est jamais mauvaise, elle est toujours incroyable, et Play ne fait pas exception. Voilà. Je voulais dire, j'adore Noémie Lvovsky. Fais voir, parce que je suis pas sûr de savoir qui c'est. Si, c'est la nana qui avait fait Camille Redouble à l'époque, et elle joue dans La Flamme, elle joue la mère de Géraldine Nakache. Et elle est oui, très, bien très sûr. Marrante. La mère dans les deux films. Je... Bien évidemment. Oui. Je ne voyais pas du tout. Voilà, c'est. Moi, si je devais résumer, c'est un film qui te fait dire Carpe diem, bordel. Ouais. Carpe diem, titre, bordel. Ouais, c'est le premier titre. En tout cas, c'est celui que j'avais proposé. C'est un peu le Boyhood à la française, en tout cas. C'est ça. Carpe diem, putain de merde. Comment faut vous le dire? Il y a plus de gros tatouer, mots. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, pas con. C'est le choix que j'ai fait en tout cas. C'est bon. Numéro 12, Invisible Man de Leigh Whannell. Alors ça, j'ai pas vu. Oh bah, moi. Je l'ai pas vu du coup. Oh. Mais il est invisible. Non. Okay, non, Adrien. Pierre, tu l'as vu? Ouais, petit retour en force et Blumhouse en plus, je pense. C'est pas mal. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Avec Elisabeth Moss, qu'on a vu évidemment dans la série dans Friends, Matrix. Bien sûr. Ouais, et dans la scientologie. Mais je ne sais pas. C'est pas mal. Et il y a un discours aussi dans cette époque où les choses changent, voir un peu des relations toxiques. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a double lecture. Ça, mais alors ça, j'ai lu effectivement, Pierre, que c'était, en gros, ça parlait un peu des mecs horribles avec leurs ex, nani nana, mais c'était déjà, enfin pour moi, ça, c'est pas une relecture, c'est que c'était le Holoman de Paul Verhoeven, c'était ça aussi, c'était un mec qui voulait se faire une meuf et elle voulait pas, et son pouvoir invisible lui permettait d'être un creep horrible. Ouais, mais en termes de point de vue, on change un peu de point de vue par rapport aux autres Holoman, non? Parce que là, on se focus pas vraiment au niveau de Holoman, en fait, c'est ça le petit twist du film. Oui, bah je sais plus parce que Holoman, il me semblait qu'on était quand même un petit peu du, ah ouais, du point de vue de Elizabeth Shue. Mais t'as raison, en fait, on voyait comment il devenait fou aussi. Donc, c'est si ça, c'est pas le cas dans Invisible Man. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il était très insistant avec cette femme et elle lui disait Molo Man. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah, d'ailleurs, ils vont d'autant faire que c'était Kevin Bacon qui interprétait. Oui. C'était Kevin Bacon qui jouait dedans. Ouais. Ils vont faire pas mal pour jouer un gros porc, Kevin Bacon. Ah, oh, joli. Le porc, le bacon. Il y a eu Adrien, blagues, tu l'as vu? C'est compliqué. Adrien, oui, t'as aimé? Je l'ai vu. Après, c'est pas mon style de prédilection, effectivement. Okay. Puis bon, c'était pour moi le défi de renouveler le thème et le personnage de l'homme invisible n'a pas été autant tout à l'heure sur le thème du voyage temporel. On est sur quelque chose de frais. Autant là, pour moi, c'était pas nécessaire. Je pense que c'est une vache qui a fini d'être traite, il y a bien longtemps. Ouais. Pour reparler du lait, encore du petit lait que je ne boirai pas. C'est un petit lait que tu laisses sur le bord de la table et que tu laisses s'écailler, j'ai l'impression. C'est ça. Pour éventuellement en faire un délicieux fromage. Si les bactéries veulent bien faire leur travail, mais c'est tout pour moi. Numéro 11, Adieu les cons d'Albert Dupontel. Ouais. Avec Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié. Tu l'as vu, Pierre? Non. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était trop, trop, trop bien. Et Virginie Efira est épatante dans le film, alors c'est pas nouveau. Mais quand les salles réouvriront, il sera encore à l'affiche. N'hésitez pas, ils sautent. Enfin, d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être qu'elles rouvriront jamais, mais normalement. Tu rigoles ou quoi? Genre, c'est la fin du monde pour toi? Bon, bah arrête. Gros bébé. Va. Oh, je suis pas un bébé. Ouais, pardon. Je suis pas un bébé en fait. Donc ouais, Adieu les cons, c'est super cool, c'est drôle, en fait c'est touchant, et c'est c'est les personnages en fait qui lead vraiment l'action, c'est-à-dire que ce qui se passe est très, enfin tu vois, il y a plein d'idées de mise en scène et tout, mais je trouve que c'est vraiment le trio de personnages, Nicolas Marié, Dupontel et Efira, Nicolas Marié qui a, en plus d'Albert Dupontel, a joué avec, sous la plume pardon, d'Adrien Méniel. Oh. Et puis avec aussi hein. Vous avez une scène ensemble? En fait, j'ai failli dire ça et j'avais un doute. Il parle et pas moi, mais oui. D'accord, ok. Il dit, ouais, je ferme l'hôtel et je suis là, quoi. Mais à côté, non, je dis ça parce qu'à côté de ça, je sais que tu as écrit pas mal de scènes de confessionnaux du. Ah oui, ça, de oui, la oui, saison j'ai, 2, ouais. Oui, j'ai eu l'immense honneur, là, pour le coup, vraiment, d'écrire pour lui, surtout déjà sur la saison 1 où. Je savais pas que ça allait être lui à l'époque où j'ai écrit, et sur la saison 2 je savais que ça allait être lui et c'était un plaisir décuplé de l'écrire en sachant que c'est lui qui allait le dire quoi. Et, mais j'ai exactement comme toi Adrien, moi je trouve que c'est un très très grand acteur Nicolas Marié, et j'ai eu la chance aussi d'écrire pour lui pour Groom mais aussi pour Peach où il joue le père de Le Caplin, et c'est quelqu'un de ouais, il connaît les répliques à la lettre près, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que du coup il faut vraiment lui filer les textes en avance. Et si tu veux les changer sur le tournage, il est tellement pro de... Non, mais moi, c'est une clé de bras. Une clé de bras, il te chope à la gorge. Et, mais parce que vraiment, il apprend toutes ses répliques par cœur. Et comme ça lui permet de les sortir parfaitement. Et ça, c'est vraiment... c'est quelqu'un de très pro, ouais, très pro à ce niveau-là. Et puis, il a une intensité de jeu que moi, j'adore. Dans les Dupontel, mais aussi quand il joue le patron dans 99 francs. Quand il dit, bien sûr. Et du rêve. On est des marchands de rêve. Moi, j'adore. J'adore Nicolas Marié. Mais j'adore Nicolas Marié. D'ailleurs, groom en anglais, ça veut dire quoi? Marié. Marié. Ça veut dire marié, putain. C'est fou. C'est pour ça qu'on l'a pris, d'ailleurs. C'est la seule raison. C'est un football qui soit excellent. Ouais, parce qu'on n'avait jamais vu un de ses films. Alors, moi, je n'irai pas voir exceptionnellement Adieu les cons, parce que j'ai passé le casting, je n'ai pas été retenu. Donc, voilà. C'est une petite vérité à perso. C'est ça. Non, mais c'est vrai, passé, en tout cas, j'ai passé un casting pour le rôle de Dupontel. Donc, c'était a priori perdu d'avance. J'ai insisté pour. C'était pas du tout quelqu'un qui m'a appelé. Hein. J'y suis allé, j'ai dit je veux le rôle de Dupontel là. Et je veux le. Non, mais en vrai, c'est vrai. Par contre, je crois que l'erreur que t'as faite, c'est limiter. Ouais. Mais... Ouais. Hey, j'ai du et Rambou. J'aime bien les hyènes. Oui, et t'as fait elle son sketch. T'as fait ton sketch, oui. Son sketch d'il y a 30 ans en plus. Son sketch dur. Stallone, il fait. Je t'en prie. Ils ont dit, mais c'est nul, putain. Ça n'a rien à voir avec le film en plus. J'ai déjà le sida, donc, j'aimerais pas le revoir. Ouais, ouais, donc, bien sûr. Du coup, ils m'ont fait passer du coup un casting du mec qui travaille à l'agence d'adoption, là, le truc des orphelins. Ah oui, d'accord, bien sûr. Okay. Et voilà, et je. Non, c'est non. Et vous avez vu l'anecdote récemment sur Bernie, justement? Ouais. Bah, que c'est comme ça qu'il. Il s'est retiré de la course à l'élection américaine. Mais oh, c'est ça, alors. C'est il y a 5 ans déjà, mon frérot. C'est pas quoi, dis-nous Pierre. Pas du tout. Dis-nous Pierre. Bah, c'était quoi Bernie Sanders? Bon, vas-y. Oui, il y a 5 ans, oui, avant les élections, bon. avant le premier mandat de Trump. Vous n'embrouillez pas. Les gars, vous êtes potes, c'est vraiment trop dommage. Non, mais je veux dire que. Ah, vas-y. Ouais. Non. Moi, raconte ton histoire. Bon, allez. Non, mais vous avez vu, mais par rapport au procès qu'il y a eu sur les attentats. Non, quoi? En fait, il y a un gars. Genre, ça faisait 2 ans qu'il était en attente de jugement. Mais c'est pas une blague. Pardon, il faut expliquer qu'il y a la vidéo. Et je vois vraiment Adrien. Non, non, mais en fait, il y avait quelqu'un, je crois qu'il a été balancé par son beau-frère ou je sais plus quoi. Et en fait, on a accusé de. Parce qu'il était un petit peu dans l'entourage, je crois, d'un des terroristes ou je sais pas quoi. Et donc, apparemment, il regardait. Nekfeu. Pardon, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit dans le groupe de rap avec Nekfeu. J'ai été coupé pour la pire raison, je suis désolé. Ok, pardon, dans c'est pas l'entourage. À l'entourage, oui, pardon, oh la vache. Ça marchait mieux avec. Quand c'est le même mot, la blague marche mieux. Mais 95, pardon, apparemment, c'est l'année, d'après toi, où Bernie Sanders s'est retiré de la présidence. Bon, vas-y, me saoule. Donc, pardon, Pierre, les terroristes, vas-y. Un terroriste. Bah, on l'a accusé d'être terroriste, et en fait, apparemment, il s'est fait balancer par son beau-frère, et genre, il aurait été vu en train de regarder des vidéos de décapitation sur son ordinateur, et donc, du coup, il attendait son procès, et en fait, la vérité, c'est que, au jugement, il a expliqué qu'en fait, il regardait des vidéos de Bernie. Et apparemment, la Bernie. Scène de l'appel de film Bernie. Et donc, du coup, potentiellement, il a fait 2 ans de tôle en attente de procès. Juste parce qu'il regardait le film Bernie. Ah, c'est fou. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. C'est incroyable. Je t'invite à le googler si tu le souhaites. Ah non, mais je te fais une confiance plus qu'aveugle. Il n'y a aucun souci. Bah, c'est une très belle histoire. J'enchaîne. Excusez-moi d'être sérieux. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Les filles du Docteur March de Greta Gerwig. Alors, Adrien, je crois, peut-être un de tes films préférés de cette année. Ouais. Oui, non, peut-être pas préféré, mais c'est vrai que, voilà, bah pour le coup, autant pour moi, Invisible Man, c'était pas la peine de ressortir une énième fois le personnage, autant là, sur voilà, les filles du Dr March, moi j'ai grandi avec le dessin animé, hein, les 4 filles du Dr March. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le générique, peut-être? Je te fais la musique. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 4 filles du docteur marchent. Elles marchent vers la vie. 4 filles du docteur marchent. Ne les ratez pas, ne ratez pas la marche. Vous allez tomber bien bas. Oui. Il y avait un robot aussi dans la série. Oui. Mais je te rappelle que tes effets sonores ne marchent pas, Pierre. Mais si ça marche, c'est ma voix. Ah putain, je crois que c'est... Oui. Bah bravo. Voilà. Tu es un Go XLR humain. Voilà. Mais donc Adrien, les filles du Docteur March. Bah oui, bah c'est des... Voilà, c'est des filles... Leur père va faire voilà, la guerre de sécession et elles doivent se débrouiller toutes seules à la maison. Voilà. Oui, toutes seules, quoi. Voilà, livrées à elles-mêmes et puis bah... Elles développent les outils qui vont leur permettre de bâtir, bâtir leur propre vie. Comme dirait Pierre. Non, s'il te plaît, quand même. Un peu de respect quand même pour l'œuvre. Respect au docteur March. Je vous rappelle, c'est deux ans de travail. Le bouquin. Il y a des girls, c'est tout un accueil. Oui, si bah les filles. N'importe quoi. ne dites pas, c'est pas ça. Ne dites pas, c'est pas ça. Les filles du Docteur March. Non, moi, j'ai adoré les filles du Docteur March. En fait, c'est un beau film classique. Il y en a un autre qui va arriver plus haut. Moi, j'aime bien les films qui s'inscrivent dans un classicisme de mise en scène, mais où c'est propre et où c'est efficace. Et les filles du Docteur March, c'est ça. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis, en plus, attention, comédiens géniaux. Il y a, alors, je ne sais jamais dire son prénom. Et je sais qu'elle écoute le podcast et ça me ferait chier qu'elle le prenne mal. Mais il y a Sawars Ronan. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Bien sûr. Ouais. Mais c'est la meuf de Lady Bird. Exactement, déjà de Greta Gerwig. Et il y a Emma Watson, il y a Florence Pugh qui était dans Midsommar. Enfin, il y a plein d'actrices géniales. Avec ce truc un peu marrant. Il y a Timothée Chalamet, il est trop beau. Il y a Timothée Chalamet. C'est Zemmour ou quoi ? C'est Zemmour, mon pote, allez. Pas tant. J'ai pas la ref. T'as pas la ref ? Wow. Non, il ressemble à Zemmour. C'est un mème, mon pote. C'est, bah, c'est ce que disent ouais. les gens. Mais c'est faux, pas du tout. Mais si c'est un mème. Non, mais en gros. Oui. Non, je crois que c'est un mème, les gars. Je vous crois. Ne le prenez pas comme ça. Mais si non, mais c'est genre, il lui ressemble, genre peut-être sur une photo. D'accord. Sur une photo de Zemmour, tu dis ah oui. Puis en fait, tu regardes n'importe quelle autre photo, il lui ressemble pas du tout, quoi. D'accord, très comme bien. Comme tes sous. Oui, voilà. Un petit peu. Drunk. De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. J'ai pas eu le temps de le voir celui-là. Non. Non, toi non plus, Pierre. Trop vite. Ouais. Trop vite. Ouais. Bon, toi, Adrien, par contre, je sais que le confinement, c'est pas une excuse pour toi d'aller pour aller non, au cinéma. Non, bien sûr. Bah, on trouve le temps hein, quand on a vraiment. Moi, je dis toujours, quand on a vraiment faim de cinéma, on trouve toujours de l'appétit. Ouais. Drunk, c'est l'histoire de quatre amis. Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais Drunk, c'est l'histoire de quatre amis qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien. Selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tout ce que leur vie ne sera que meilleure. Un film où du coup une bande de potes se bourre la gueule. Il paraît que c'est un très chouette film. Toi, Adrien, est-ce que tu as aimé ce film ? Oh, sujet sensible, oui. Quoi. Alors, bah, disons, non, mais ça va. J'ai le recul nécessaire. Mmh. Je suis d'ailleurs actuellement en train de me boire une bonne bière. C'est vrai. Donc, vous voyez, je suis moi-même un peu drunk. Hein. Voilà, je fais un corps avec le cinéma, avec le film. Voilà, la pellicule. Non, mais oui. Bon, après, on est. C'est-à-dire, encore une fois, pas mon film préféré de l'année, ouais. Mais cela dit, agréablement surpris de me retrouver face à ce que j'aurais pu m'attendre à un film potache, vu le thème. Bien sûr. Et c'est un film qui sait quand même tirer son épingle du jeu à deux, potage trois moments. Potage de vin, bien sûr, absolument. Bien sûr. C'est d'ailleurs la tagline du film, hein. Un film potage de vin, en français, hein, bien Les sûr. Les couilles dans le potage. Et c'est, ouais, c'est d'ailleurs c'est Jean-Luc Reichmann qui double Mads Mikkelsen, évidemment. Bien sûr. Bah si. Et la question oui, bien sûr. Coup. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui tire son épingle du jeu à deux, trois moments, qui sait nous surprendre. Bon, malgré tout, voilà, les placements de produits sont assez évidents. Mais est-ce qu'il fallait mettre des Zizi Potes ? Pas sûr. Non, ça c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un des trois personnages était Bill du Big Deal. Bon, bah ça disait vraiment autre chose sur l'alcool, sur le thème de la déchéance, sur le thème du ludisme, oui, de la vie. D'être un peu sur une autre planète quand on est addict. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc le choix de Jean-Luc Reichmann, moi, me laisse un peu perplexe. Mais voilà, ça reste gentillet. Voilà. Ouais. C'est divertissant. C'est ça. Numéro 8, en avant. Onward, des studios Pixar chez Bien Disney. Pierre, tu l'as vu ? Alors, j'avais aucune attente. L'univers me touchait pas vraiment. Et comme à chaque fois. L'Heroic Fantasy. C'est ça, voilà. Un peu. Après, Metal aussi, j'adore le Metal. Mais du coup, ouais, Onward, je me suis fait choper, mais alors comme un bleu, quoi. Donc, je sais pas si c'est la même pour vous. Mais sur la fin, on est encore sur le deuil, hein, mon très cher Flo. Et on est encore sur le deuil. Ouais, et non, c'était très très émouvant sur la fin et c'était très très bon. En fait, c'est assez surprenant. Il y a des trucs auxquels j'ai pas trop adhéré dans le film. En fait, c'est une quête, hein, le film. Et il y a certaines scènes où j'étais genre, waouh, on est vraiment dans un truc un peu à la Shrek. Non pas pour critiquer les Shrek, mais on va parodier un. Oui, d'autant qu'en plus, je connais Shrek et c'est un mec super. Donc en fait, dans la vie, il est top, ouais. Ouais, non, faut séparer l'artiste de l'homme. Parce que l'artiste est à chier, mais l'homme est incroyable. L'homme est vraiment quelqu'un de bien. C'est le seul d'ailleurs avec lequel ça marche dans ce sens-là d'ailleurs. C'est que l'artiste est terrible, mais l'humain, putain, donne aux assos et tout. D'accord, c'est génial. Ouais, incroyable. Et donc, ouais, le côté parodié, un peu les mondes de contes et machin. Mais effectivement, comme toi, Pierre, j'ai trouvé l'histoire vraiment magnifique et la fin très maligne, on n'en dira pas plus. Ouais. Mais, et puis, quand même, l'aventure fonctionne bien, quoi. Tous les trucs de quand ils trouvent un petit indice pour avancer, tout ça, j'ai bien kiffé. Et un beau film sur la fraternité aussi, mine de rien, sur les frères. Ah, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très joli. très joli. Ah, bon, moi, ce que j'ai, oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai écrit, bon, c'est, voilà, c'est une blague, hein, mais ce que j'ai écrit sur mon blog de critique ciné, c'était que Pixar, ils ont fait là-haut, en avant. Bon, bah, ils ont plus qu'à faire en arrière, en bas, à gauche, à droite. Puis ils auront fait toutes les directions, quoi. Ouais, arrête. Voilà, bon, ça, c'était la conclusion de parce que j'ai dit blog, pardon, mais c'est une chaîne YouTube de critique ciné. Ça s'appelle comment? Je préfère pas le dire parce que c'est un peu mon jardin secret, mais bon, je m'étais dit qu'il y en avait pas assez en fait. Bien sûr. Et je me suis dit allez lance-toi. Voilà, j'ai suivi les conseils d'un ami, je me suis lancé. Pour moi en fait j'ai bien aimé. Bon, c'est un bon divertissement. Après évidemment je suis pas la cible. J'ai eu un peu peur que ce soit le Ready Player One des contes de fées. Ouais. Finalement non, voilà. Alors avec un petit voilà, non mais on aurait pu voilà le fan service voilà de bien l'univers onirique voilà. Bon, on n'y est pas. Ça m'a plu, ça, voilà. Après bon voilà, ce sont des thèmes, j'appelle ça du patchwork thématique, hein. Ok, ouais. Ça, c'est un concept que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, on prend des thèmes, on les rabiboche avec un peu de fil narratif, puis ça fait des entrées, voilà, ça fait des vues, mais ça reste très bien exécuté. Voilà. Ok, ouais. Et ton personnage, oui, pardon. Non, non, mais pardon, mais en gros, parce que je sais que tu veux pas parler de ta chaîne YouTube, on peut quand même parler du blog 25 méniels par seconde. Oui, c'est quand même un site. C'est le blog compagnon de la chaîne auquel on a accès si on donne 12 euros minimum par mois sur mon Patreon. Bien sûr. Et, voilà. Et sur l'argent, podcast, peut-être. Ça n'existe pas. Le podcast qui arrive qui dit alors le cinéma, ça dit quoi? Ah ouais, pas mal. C'est le podcast que je prépare sur le cinéma. Et, super. Voilà, je serai avec tout seul d'ailleurs. D'accord, ah oui, ok. je crois que t'es tout seul, mais t'interprètes 4-5 personnes. C'est ça. C'est-à-dire que tu débats avec toi-même quelque part. C'est méta. C'est-à-dire que. D'accord. On parle d'une œuvre de fiction, mais c'est également. On est dans. Il y a du jeu, c'est-à-dire que voilà, on est sur quelque bien chose sûr. De. Des Fincher, en fait. Fight Club. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est plus dans du Gaspard Noé. C'est énormité. Épileptique. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de. C'est là où. Je vous laisserai, vous verrez. Ouais, okay, vous verrez. Okay. 25 méniels par seconde, parce que voilà, les 25 méniels par seconde, c'est les. Non, ça c'était le blog, donc ça n'a rien à voir. On aurait pu croire que ça aurait été un meilleur titre. Parce que là, on parle de. Le cinéma, ça dit quoi Voilà. Et ça dit quoi? Ça dit beaucoup de choses. Hein. Voilà, et on a beaucoup à dire, bien sûr, sur le cinéma. Évidemment. Il y a les personnages de Toto. Toto, c'est un enfant qui donne son avis sur le cinéma. C'est-à-dire qu'il vient apporter un peu de. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle sérieusement de cinéma. Bon, il y a le gothique, hein, qui adore les films tristes. Ouais. C'est très drôle parce que chaque fois il dit j'ai adoré ce film. Bon, c'est les films les plus tristes comme par hasard. Il y a Bébert qui adore les comédies, voilà les bonnes comédies. Il y a le vieux qui dit les belles bandeaux, c'était mieux avant. Bon bah lui il est marrant. Et puis l'enfant qui dit moi je fais la voix, hein, je fais les voix comme ça. Moi j'ai adoré et tout ça. Et puis bon voilà, il y a plein de personnages. C'est déconcertant parce que tu passes. Ouais pardon, vas-y Pierre. Non, mais en fait, et au milieu, t'as toi, ton toi qui tempère un peu toutes ces facettes de toi-même, quoi. C'est ça, c'est mon moi, mais qui est quand même mon clown, bien sûr, parce qu'il faut quand même un peu apporter un peu de légèreté, un peu de piquant aussi, quoi. Bien sûr. Voilà, désolé, vous m'avez lancé sur... Non, mais faut mettre un peu de promo. Vous m'avez lancé sur mon retrouver. Podcast, désolé. On peut te retrouver sur Patreon, n'hésitez pas à acheter les t-shirts aussi pour financer le podcast et la chaîne cinéma, YouTube. Et le cinéma, ça dit quoi? Avec plein de têtes d'Adrien, les unes à côté des autres, dans les différents rôles, le gothique, déguisé, le vieux, l'enfant. Déguisé à chaque fois, c'est ça. Je fais des mimiques. Adrien, pour le t-shirt. Toi qui es spécialiste de podcast cinéma et tout ça, j'avais envie de faire un podcast qui s'appelle Envie de faire 4K et c'est que sur les Blu-ray. C'est bien, le truc de 4K, ça te parle? Moi, c'est bien, oui. Tu pourrais dire Envie de faire 4K et mettre en tagline N'oubliez pas de vous torcher la Blu-ray. C'est parfait. Ouais, non, mais d'accord. Mais t'es un génie. Voilà. Voilà. Flaubert, on t'a tête. Il faut profiter de cet espace pour faire votre promotion. Je fais du consulting maintenant, carrément. Ouais, c'est fou, en vrai. Non, mais bon, voilà. Ah, mais payez-le. Le cas Richard Jewell, numéro 6 de Clint Eastwood. Eh bien voilà, je parlais de classicisme des filles du docteur Marsh et c'est très présent ici, mais dans ma bouche, c'est une qualité. C'est-à-dire que je trouve ça somptueux. Et la caméra est un personnage. Hein. Ouais. Non, mais quoi, Ah non, je ris pas. Non, mais c'est vrai. Non. Non, mais je te laisse. Non, mais ce qui est en plus assez fou, c'est que c'est l'exact inverse. Justement, elle se fait plutôt invisible pour filmer les personnages. Justement. Oui, et du coup, c'est Invisible Man. Briller par son absence, je pense que tu connais l'expression. C'est vrai, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire qu'au final, tu te dis, mais l'héroïne du film, c'était finalement la caméra depuis le début. Bah, ouais, grave. Ouais, et ouais, donc, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, il fait un peu un film par an, donc c'est un peu la roulette russe. Je pense qu'il en fait beaucoup, et donc des fois, c'est pas très bien. Moi, j'avais vu le 15h18. J'ai plus l'horaire du train, mais. Manu dans le 6-9, c'était. Le Thalys, ouais. C'était bouleversant, d'ailleurs. Ouais. Manu dans le 6-9 de Clint Eastwood. Ouais, tout à fait. Et j'avais moins aimé. Bizarrement. Ouais, l'histoire m'avait moins touché. Tu sais, c'est, je sais pas, je trouvais ça bizarre que. Je trouve que la rencontre Manu Lévy, Clint Eastwood. Ouais. J'ai pas compris ce que faisait faire Manu Lévy dans les attentats. Mais bon, bref. Ouais. Et le cas Richard Jewell, c'est vachement bien. Les acteurs sont ouf. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est, moi, je suis pas du tout d'accord politiquement avec Clint Eastwood ou même avec les personnages qu'il met en scène. Mais il arrive quand même à me les rendre attachants, juste par le côté humain des... Enfin voilà, c'est très naïf ce que je dis, mais en même temps, je trouve ça rare et assez beau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le cas Richard Jewell. Après, je sais qu'il y a... C'est adapté d'une histoire vraie, qu'il y a des libertés pas ouf. Genre, apparemment, il y a une journaliste qui est dépeinte dans le film, vraiment comme... qui est interprétée par Olivia Wilde, qui est vraiment interprétée... Virginie Despentes, je crois que c'est... Virginie Despentes, oui. Par Olivia Wilde. Qui joue en gros une journaliste qui use beaucoup de ses charmes jusqu'à coucher avec des policiers pour avoir des infos. Et cette journaliste existe et n'a jamais fait ça de sa vie. Donc du coup, la nana a vu le film et elle a dit « Pardon, excusez-moi, pas du tout. » Qui s'est passé. Cam, déjà, elle a dit. Cam, ouais. Déjà, elle a dit « CRSSS, je vais écouter Renaud. » Donc non, elle n'était pas très contente. Mais ceci mis de côté, le film, avec ce qu'est le film, moi j'ai trouvé ça super cool. Oui. Ouais, j'allais le lancer en fait, justement, c'est ça qui t'avait un peu choqué. D'accord. Dans le film. Non, mais moi, alors là, je peux pas trop m'exprimer sur le film parce qu'il faudrait que je le revoie. Parce que moi, j'ai été très déçu, mais c'est parce que je pensais que c'était le biopic de Jerry Halliwell en fait. J'avais pas du tout compris. Donc je l'ai regardé en me disant, bon, à quel moment on va commencer à voir Wannabe. Moi, j'attendais Wannabe. Le fameux début avec les bruits de pas qui font tout, tout, tout. Et hop, c'est parti. Je l'attendais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage marchait un peu fort, je me disais, ça y est, c'est le début de Wannabe. Ça, la chanson n'a jamais démarré jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. À un moment, il n'était pas du tout. Oui, pardon. Non, mais c'est moi, pardon, je t'ai coupé. Mais à un moment, c'est vrai qu'il y avait. Parce qu'on était allé voir ensemble avec Adrien. Il y a des nuages qui arrivent. Et là, il m'a mis un petit coup de coude. Il m'a dit, tu vas voir, il va pleuvoir des hommes, comme la chanson It's Raining Men. Et j'ai vu que tu étais très déçu qu'il pleuve de la pluie au final. Oui, à aucun moment. Moi, je guettais à chaque fois chaque indice potentiel de l'arrivée de Jerry Halliwell parce que je me dis. Là, c'était l'inverse justement le film des 6 de Chicago. Les 7, du coup. Ouais. Les 7, mais oui, c'est ça. J'ai pas vu le film en entier, donc moi, c'est 6. là où le film, justement. Oui, pardon. Oui, bah, de toute façon, c'est très vite. J'ai vu 45 secondes du film. C'est pour ça. justement, là où le film, lui, allait très vite, je me suis dit, bon, bah, là, c'est l'inverse, ou quoi. On ne voit même. Ça fait 1h45 que je suis devant le film. Jerry Halliwell n'a même pas été mentionné une seule fois. On n'a même pas mis les pieds en Angleterre encore. C'est vrai. Et bon, en fait, voilà, je m'étais juste trompé. Donc, il faudrait que je le revoie avec un œil neuf. Ok. Toi, Pierre ? Un peu conventionnel, des trucs comme ça. Je me suis fait un peu chier, mais non, mais c'est. L'histoire est assez intéressante. Mais non, pas ouf, mais voilà. Pas ouf. Le film d'après, par contre, je sais que tu l'as beaucoup aimé, puisqu'il s'agit de Tenet de Christopher Nolan. Alors là, on n'est pas d'accord, parce que moi, j'ai trouvé ça très bien. Mais en même temps, je me rends compte que je dis ça de tous les putains de films. Mais toi, tu n'as vraiment pas du tout aimé Tenet. Non mais vas-y, t'es libre de parler ici, mon pauvre. Je sais pas, en ce moment, est-ce qu'il y a un drone au-dessus de moi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis surveillé? Je ne sais pas. T'es pas flouté dans ce podcast, t'es pas flouté, mon pote. C'est normal, parce que je suis pas un flic, en fait. Mais non, mais je sais pas, je trouve que ça se gratte un peu. Je trouve qu'il y a vraiment un concept qui est assez intéressant, où il nous gonfle un peu la tête à essayer de nous définir des règles avec lesquelles il joue vraiment pas de ouf. Et sachant que la règle, c'est tu peux vivre le temps en sens inverse, mais pas que. À la manière d'un rond-point giratoire, bien sûr. Oui, mais en fait, non. Qu'est-ce qui est le titre partie. Québécois d'ailleurs ? C'est rond-point giratoire. Rond-point giratoire, là. ouais, en avant, en arrière, je crois que c'était plutôt ça au Québec. Mais ils n'ont pas pu à cause de Pixar, qui faisait en avant déjà. Ouais. Ils ont dit, bah non, les gars, c'est la moitié, c'est le titre de notre film à nous, ils ont fait, j'avoue. C'était Nolan, ça rentre, ça sort, c'est comme un ressort. Je crois que c'était le titre québécois. Non, et ils ont failli l'appeler Rond-Point Jiraya, la calve ou quoi, mon gars. Et ils ont dit, bah là, ça n'a plus rien à voir. Enfin, je veux bien que on va y attirer un public jeune, mais là, ça n'a plus rien à voir avec le film. Ils ont dit, bon, bah, Tenet, alors, puisque ça ne veut rien dire. Ouais, ouais. Mais non, en fait, ça veut rien dire. Non, Adrien. Ça se lit dans les deux sens. Avant de voir le film. Ah oui. Bah, c'est quand même un palindrome en fait. Ça va dans les deux sens. Oui, alors c'est palindrome déjà. C'est ce que je viens de dire, non ? T'as dit palindrome. Tu es obsédé par la sécurité. Bah oui, mon pauvre. Un palindrome, c'est un voilà. On comprend. Au moment où j'ai fait un AVC. Non, j'ai eu une blague et puis elle était nulle, donc j'ai. C'est pas. La petite blagoulette. Putain, il est revenu. Il monte en mal fait. J'entends la petite blagounette qui rime avec Tenet. Vous avez vu Tenet, il monte en mal fait. Oh oui. Allez, non. C'est pour ça que je viens du passé, voyager dans les souvenirs, pour regarder vers l'avenir. Vous confondez avec Inception, monsieur Montand. Oh, pas du tout. Okay. Inception, c'est les rêves, et pas du tout les souvenirs. Ah, mais t'es là non plus. Allez en arrière dans le temps, pour cueillir, passer du bon temps. Faire rimer le même mot avec un mot. Bon, ouais, c'est bon. Il est parti. Ouais. En fait, il dort chez moi là en ce moment. Ok, d'accord. Il m'entend mal fait. Ouais. Donc, oui, ouais, pardon. Bon, bah, j'ai détesté ce film, voilà. Oui, mais alors, t'as souligné, parce que j'y ai pensé aussi, après j'ai vu que tu l'avais fait en TikTok. Ça ouvre un peu le champ des possibles, Tenet, parce qu'en gros c'est le monde en sens inverse. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire qu'est-ce qui se passe quand il chie, qu'est-ce qui se passe quand il fait caca. Ah oui. Effectivement, bah, il se passe comme Pierre. Et c'est ça, j'ai repensé à Pierre et son totem de merde dans le cul, puisque la merde re-rentre, j'imagine. Bah, Christopher Nolan a eu l'idée de ce film en m'espionnant au Hellfest, en écoutant le podcast. C'est ça. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris. Bon, moi c'est pas mon cas évidemment. Il y a pas mal de gens qui n'ont rien compris au film. Et qui ont dû se dire, Christopher Nolan, t'es flou. Et pas t'es net. T'es flou, mon gars. Ah putain. Ah, tu sais, j'ai une blague qui m'inspire, ce film. Tu sais, c'est quoi ? Tu vois le même. Enfin, avec Baptiste. C'est le mec qui prend de la drogue tout seul dans sa chambre. Et... Baptiste, mais si, je suis très net. T'es net. Quoi ? Ah oui, putain. Mais parce que personne l'a faite cette blague, donc vous voulez la faire. Je sais pas si vous avez compris. Ah ouais, non, mais bien joué. Ah, ah, c'est le même, ça. Ça, je le connais. Uncut Gems, des frères Safdie. Parce que en France, c'est sorti en 2020, genre début très longtemps, en janvier. Donc on a l'impression que c'était il y a 6 ans, mais non, c'est en 2020. The Weeknd. Adam Sandler et The Weeknd. The Weeknd. Ouais. Mais d'ailleurs, Adrien, alors tu les as tous vus, mais je crois que celui-là, tu l'as particulièrement vu. Je l'ai particulièrement vu, celui-là. Et est-ce que t'as aimé ? Oui, j'ai aimé. Alors, moi, je pense que j'ai été victime du truc. C'est-à-dire que moi, quand on me survend un film, c'est quasiment jamais arrivé que je le trouve vraiment bien, du coup. Bien sûr. Okay. Je suis peut-être... je suis hypersensible et sapiosexuel. Donc, peut-être que c'est à cause de ça. Bah, t'es très proche de tes émotions aussi. C'est ça, mais... Tu nous le racontes dans ton podcast sur la masculinité qui s'appelle La masculinité, il y a quoi ? Eh les gars, oui, c'est ça. Ah, il n'y a pas le mec dedans ? Pas du tout. Non. Okay. C'était Eh les gars, viens, on s'assoit. D'accord. C'était pas Eh les gars, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause ? Non, ça c'est une chanson de trio, ça. Ça oh pardon, excuse-moi, je confonds toujours. Moi c'est elle et Gav, venez on s'assoit. C'est ça le. Okay. Il y a toujours un, c'est ma petite patte. Okay. C'est et production. C'est il y a toujours et le début du podcast, le début D'accord. du titre. Ça me permet d'être très bien référencé en fait. D'accord. Très bien. Et non et du coup j'ai bien aimé, mais j'ai été déçu parce que tout le monde a dit c'est génial et bon. C'est sans doute très bien dans l'absolu, mais du coup, moi, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un truc incroyable et j'ai vu un bon film. C'est très éprouvant comme film. Hein. Ça crie beaucoup, il se passe beaucoup de choses hein, quand même. Ça, oui. C'est sûr que... Ça toi, Pierre, je sais que t'as adoré. Bah oui, puis vraiment, j'ai préféré à Good Time où ça me fatiguait un peu plus en termes de musique. Et là, je trouve ça beaucoup plus cohérent. Et je trouve le traitement d'image est absolument incroyable. Adam Sandler est phénoménal. Et puis c'est monté en puissance quoi et enfin j'ai vraiment adoré quoi et la musique en fait ouais je trouve qu'il y a des idées fortes en fait Good Time moi j'avais déjà trouvé ça très bien mais j'étais pas sorti avec la claque de putain cette idée putain cette scène j'avais trouvé l'ensemble super mais Uncut Gems, quand je suis sorti j'avais vraiment des scènes en tête très précises de putain mais ça c'est vraiment bien et puis il y a cette scène et puis il y a tout le concept de la porte et bref tous ces trucs là j'ai trouvé ça vraiment bien parce que je connaissais pas ce qu'était une porte bon avant ça et c'est le film qui me l'a d'accord, fait découvrir ouais le film me l'a fait découvrir okay. C'est génial pour l'intimité déjà c'est génial The Gentleman de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey Charles Hunnam et Henry Golding quel casting ouais bien sûr bah il y a qui d'autre d'ailleurs Adrien Harvey Keitel on le petit rôle mais Harvey Keitel c'est le quand ils sont dans le bar irlandais là le mec qui les regarde et qui dit c'est toi qui as mis cette chanson c'est parce qu'il y a une chanson qui passe au jukebox il dit c'est toi qui as mis cette chanson la chanson d'Anton de Patrick chanson, Sébastien ouais. exactement ouais il dit c'est toi qui as mis ça bon bah très très grimé très très dans l'ombre etc la lumière ne permet pas de le discerner forcément très bien mais c'est Harvey Keitel d'accord bah ouais. c'est encore un petit bonbon pour les cinéphiles que puisque j'aime bien en distribuer si vous aimez d'ailleurs hein, n'oubliez pas et le cinéma ça dit quoi là c'est une véritable confiserie si vous aimez les petits bonbons de cinéphiles c'est voilà. l'équivalent c'est, de ouais c'est le popcorn baf je sais pas si vous voyez cette marque qui est ouais, doublé là, c'est par la même chose. C'est ça qui est doublé par qui pardon qui est doublé par Durandal c'est un placement, c'est-à-dire qu'ils ont fait une OP où c'est il en dit du bien sur sa chaîne et en échange il fait la voix française de Harvey Keitel. Ouais. C'est le meilleur choix qu'ils aient fait, je pense. Ça sort un peu du film. Hein. Oui, c'est pas voilà, ça m'a sorti du film personnellement. Tu l'as vu toi, Pierre En aucune façon, ouais, non. Non, moi j'ai pas adoré. Je l'ai vu et c'est vrai que je suis pas rentré dedans. Non, mais je sais pas, Alors que moi j'adorais Guy Ritchie parce que j'ai grandi dans les 90, donc Snatch, je l'avais maté en boucle, même Arnaque, Crime et Botanique. Botanique. Ouais. Bien sûr, moi j'avais trouvé ça super. Et là, je sais pas, je trouve que ça m'a. Je saurais pas vous dire, la sauce n'a pas pris. Voilà. Malgré ce casting triple A, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, il est triple A, mais ils se croisent jamais beaucoup. Alors du coup, c'est un peu décevant. Ils sont tous un peu dans leur histoire. Il y a des moments cool, hein, mais je sais pas. Ça m'a pas transcendé. À la différence. Du numéro 2, qui est un film que j'ai adoré et qui s'est fait étonnamment. Numéro 3, ça Attends, pardon. Ouais, après, on est sur Source Critique, hein, on n'est pas sur non plus les. Ah ouais, les gars, ok. Ouais, ouais. Mais deuxième, c'est un film que j'ai adoré, mais qui a pu déchaîner quelques passions, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça pas ouf, et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très, très bien. J'ai pleuré et j'ai énormément rigolé. Il s'agit de Jojo Rabbit de Taika Waititi, que j'ai vraiment... Alors, c'est vrai que Pierre, toi, t'es middle sur dessus, je crois, tu t'en foutais un peu. Non, si, c'était très très bien. Mais non, je sais qu'il y a eu des scènes où tout le monde était un peu genre... Et tout comme ça m'a pas spécialement touché, mais après, en termes de casting... les enfants sont incroyables, quoi. Enfin, tout ce qui est enfant... Moi, après, le traitement mère-fils et tout, ça m'a pas... Et puis le petit twist dont on va pas forcément parler. Pas de spoiler pour les gens qui l'auraient pas vu. Oui, bien sûr, mais je trouve que le final est assez fou et Sam Rockwell est génial. Il y a beaucoup de personnages mortels. Moi j'adore quand même le traitement et j'adore l'écriture de Taika Waititi. Je ne peux que vous conseiller le film qu'il avait fait avec Sam Neill à la poursuite de Rick Baker en français. Et en anglais, je vais googliser tout de suite le titre pour vous le donner. Hunt for the Wilder People. Ricky Baker, pardon. À la poursuite de Ricky Baker ou Hunt for the Wilder People. Et j'adore le style de Waititi parce que je trouve que c'est... C'est très découpé et en même temps, c'est quand même très drôle. Moi, j'adore son humour, Taika Waititi. Il est plus connu pour avoir fait Thor Ragnarok, mais ses films qu'il avait fait comme What We Do in the Shadows, Boy, que j'avais beaucoup aimé également. Enfin, voilà, c'est quelqu'un que je trouve vraiment fascinant. En plus, j'aime bien le gars en interview ou en commentaire audio. Je le trouve toujours marrant et plutôt bon délire. J'avais été à la séance avec lui, figure-toi. Tu étais allé? Ouais. Enfin, moi, j'avais pas. Je suis pas allé avec lui au cinéma. Hein. Enfin, je suis pas allé. Ouais. Ah, d'accord. On a pas. Si, ils sont allés ensemble. Il m'a limité, quoi. Il limitait UGC duo. Je l'ai pas donné avec. Enfin, bref, il était à la séance, quoi. Enfin, ouais, ouais. Il présentait son film. D'accord. Ouais. Et en tout cas, un frérot, ni plus ni moins qu'un frérot. Non, oui, j'ai trouvé que c'était un très joli film et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toi, Adrien, t'as kiffé ? Oui, bah pareil. Hein. Moi, pour moi, le seul faux pas, c'est d'avoir choisi comme tagline le film qui va vous faire aimer Hitler. Ouais, c'est vrai que c'était un peu maladroit. Ouais. J'ai trouvé ça limite. Bah, surtout dans cette période. Mais bon, ça reste mineur. Après, t'avoueras, Adrien. On comprend dans le film. Non, mais attends, parce que t'avoueras, moi en tout cas, je suis sorti du film en adorant Hitler. C'est-à-dire que, ça marche quand même. C'est-à-dire que la tagline n'est pas trompeuse. Mais c'est, oui, mais c'est, ça reste quand même le faux pas du film pour moi. D'accord, très bien. Et numéro 1, c'est 1917 de Sam Mendes. Et oui, c'est sorti cette année. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, mais c'est... J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps, j'ai l'impression qu'il est sorti en 1917. C'est habile. C'est du génie, mon pote. Boublil. Habile Hassani. J'ai raté, à Bilal, fallait que je dise. Putain, j'ai raté. Oh, ça va, merde. Donc 1917, écoutez, je suis jeune maintenant, d'accord. Je suis ami avec des streamers, donc laissez-moi tranquille. Waouh, c'est un film. Bilal, hein, parce que moi je suis vieux. Film de Sam Mendes. Alors, moi j'ai vraiment bien aimé, mais le problème c'est que j'ai trouvé ça génial au cinéma. Et que, comme souvent ça m'arrive quand je trouve le film extraordinaire au cinéma, j'ai pas envie de le regarder chez WAM. C'est pas un film que j'ai envie de remater, pour être tout à fait honnête. Ah ouais, non, du tout, ouais. Ouais. Enfin, c'est rien, toi. Pour moi, c'est ce que j'ai dit dans. Alors, je l'ai dit dans 25 manuels par seconde. Oui, bien sûr. Et je l'ai dit aussi dans Elle, cinéma, ça dit quoi. C'est beaucoup de poudre à canon, mais c'est surtout beaucoup de poudre aux yeux, j'ai dit. Waouh. Parce qu'au final, comme tu dis, une fois l'émotion du grand écran qui est provoquée par le support lui-même, bah, évidemment, il ne reste plus forcément grand-chose. Je suis bien d'accord. Au-delà avec de la performance de ce plan séquence, est-ce qu'on en garde vraiment des choses? Écoutez, plan séquence. Non, après, en termes de photos, c'est incroyable. C'est-à-dire que le village de nuit en flammes. Oui, parce qu'il y a un tuto. Enfin, le personnage fait un tuto photo. C'est ça que tu veux dire. C'est qu'il. Oui. Le réglage des ISO et tout, tout est expliqué dans le film. Exactement. Ouais, au niveau de la photo, c'est super. Le défaut pour moi, numérique. Ouais, mais c'est ça le défaut pour moi, c'est qu'il parle que des Fujifilm, et moi qui ai un Canon, par exemple, ça me fout dans la merde. Oui, c'est vrai. Mais non, vrai, sinon, moi j'ai trouvé. Ciblé. Est-ce que vous, il y a d'autres films qui ne sont pas dans ce top dont vous avez envie de parler? Moi, je sais que par exemple, il y a le film Felicita, de Bruno Merle avec Pio Marmaille, que j'ai trouvé vraiment, vraiment très, très bien. Un très joli petit film. Je sais pas quand il sort en VOD, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai vu Lucky Strike aussi, de Kim Jong-un, qui a fait un film très malin. Je disais que j'avais pas beaucoup aimé. De quoi? Ah non, de quoi? Ah non, pardon. Non, comment ça, c'est étonnant, quoi? De quoi tu parles? Mais t'as dit Kim Jong-un? Non, non, Kim Jong-un. Ah ok, je dis quoi? Pardon. Sinon, effectivement, ça aurait été très surprenant. Ouais. Attends, mais. Non. Pardon, comment ça s'écrit? Kim Jong-un. Michael Yoon. C'est Michael Yoon, je voulais dire. Non, c'est Kim Jong-un. Mais comment ça t'écrit? Comment t'écris ça? Kim, comme Kimberley, Young, Yong, tiret, un, H2O-N. Ah oui. Ah, Kim Jong-un. Oui, bon, après, j'ai pas un accent de dingue. Ça. Oui, voilà. Non, mais pardon, j'étais un peu... en fait. Mais c'est un film super. Je disais que The Gentleman, c'était un Guy Ritchie que j'avais pas trop aimé. Et Lucky Strike, je trouve que ça a ce truc des Guy Ritchie d'histoires croisées pour un truc, à savoir là c'est une valise pleine d'argent, enfin pas une valise, un sac à dos plein d'argent, et je trouvais ça super cool. Moi j'ai bien aimé Borat 2 aussi sur Amazon Prime. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit c'est moins bien, c'est pas une OP. Non, et c'est pas une OP, je suis peut-être le seul gars qui vous dit que c'est bien sans avoir eu de l'argent. Balle perdue, mais on en a déjà parlé ici. On en a déjà parlé ici avec l'équipe du film. J'ai trouvé que c'était super. Et La dernière vie de Simon, de Léo Carman. Pareil, avec Benjamin Voisin, j'en parlais dans Été 85. Et j'ai trouvé que c'était un super film. C'est un film qui est fait avec, avec très peu d'argent. Et c'est fou que ça ait autant de gueule. Donner la chance, donner une chance pardon, à ce film. Il y a dans le casting, alors ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai aimé, d'ailleurs je la connais assez peu, mais il y a Camille Clarisse que vous avez pu voir dans Les Emmerdeurs, qui est déjà extraordinaire dans Les Emmerdeurs, mais qui l'est encore, encore plus, elle joue un rôle différent, mais qui est en tout cas incroyable dans La Dernière Vie de Simon. Et voilà, je vous conseille vraiment ce film, c'est vraiment super cool. Donc voilà, ça s'appelle La Dernière Vie de Simon et c'est disponible en VOD. Pierre, toi, est-ce qu'il y a un film dont on n'a pas parlé que tu aimerais conseiller aux gens? Je sais pas. Bah, il me semble The Lighthouse, c'est cette année, non? The Lighthouse, c'est cette année. D'A24, ouais, qui était formidable. Palm Spring. Trop je l'ai pas vu pas celui-là aimé, avec Andy Samberg. T'as pas aimé, Adrien? Ouais. Bah, je n'ai pas trouvé. Ouais, non, je sais pas. Alors, peut-être une fois, victime du truc, tout le monde a dit waouh, génial. Du coup, je l'ai regardé. Bon. Après, j'ai vraiment pas dit que c'était ouf, hein, excuse-moi. Mais... Qui est une sorte de. Depuis que t'as ton blog, ouais. Non mais j'ai pas trop aimé. Voilà. Oui, c'est une sorte de un jour sans fin, une sorte d'un jour sans fin de une comédie romantique qui se passe pendant un jour sans fin. Mais voilà. Donc non, toi, t'as pas d'autres, pas trop d'autres idées. Non, moi, j'ai absolument rien préparé. Donc je. Non, mais je pense pas que. Et si, bien sûr, parce qu'en plus, il vient de sortir en VOD, tout simplement noir. Qui est un des trucs les plus. Ah bah oui. Alors, il me semblait qu'on en avait parlé déjà dans le podcast, mais je suis pas sûr. Ben, en tout oui, cas, c'est très très drôle. Je l'ai vu et oui, c'est très drôle. Mais tu as tout vu en même temps. Donc, Ouais, mais celui-là, je l'ai particulièrement bien vu. Ouais. Les garçons, là, je vais vous laisser un peu parler parce que moi, je n'y connais rien, mais je vais vous laisser parler jeux vidéo. Année riche dans le monde du jeu vidéo, parce que avec les confinements, mine de rien, il y a eu des jeux qui ont tiré leur épingle du jeu. Je pense à Animal Crossing, je pense à Fall Guys, sachant que les trois jeux préférés des gens. Toujours selon Sens Critique, hein. C'est Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake et The Last of Us 2. Mais vous, quels ont été vos jeux préférés cette année? J'ai envie de commencer par Pierre Lapin. Oh la vache! C'est d'actualité, mais je ne sais pas si c'est vraiment cette année. Mais en fait, est sorti récemment sur Steam et était disponible déjà sur Epic. C'était Superliminal, que j'ai vraiment adoré, qui est un espèce de. Que tu avais recommandé dans le Floodcast d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, j'en est-ce que tu pas, peux nous parler de quoi ça parle? Non, c'est juste un. C'est juste foutu de ta gueule là, tout bêtement avec ce rire. Mais non. Si, il a bafouillé, t'as fait. Mais non, bon, je parle de moi ou je dis j'en parle pas parce que j'en ai déjà parlé. Enfin, c'est. Et en plus, c'est sorti. Faux. Et en plus, c'est sorti le 19 novembre 2019. Bon, chie-moi la gueule, Pierre. Mais non, mais c'est pour ça que si tu m'avais écouté, c'est d'actualité parce qu'il vient de sortir sur Steam. D'accord. Bah tu triches, ok, pas de soucis. Donc vas-y, super luminol. Mais c'est un petit peu. Donc vas-y, raconte-nous. Quel est ce film? Quel est ce jeu, pardon? Okay. En fait, c'est un jeu qui te demande de voir les choses avec une nouvelle perspective. Et donc ça, enfin au premier degré, ça joue avec les perspectives. C'est-à-dire que je prends un objet dans ma main, si je l'éloigne un peu de moi et attends, t'es en train de nous faire un tour de magie? C'est vrai, je suis Eric Antoine. Non, mais en fait, bah, selon là où tu mets un objet, il va grandir, en fait, selon ton point de vue. Donc, tu vois, si tu mets un objet plus loin de toi, il va être plus petit. Et donc, dans la salle aussi, ça joue avec les perspectives, en gros, et c'est incroyable. Et puis, il y a une espèce de. Donc, c'est plutôt un jeu de plateforme. Mais pas du tout. D'accord. Bah, écoute, voilà. Je m'en vais. Pas du tout un jeu de plateforme. Voilà, mais c'est pas grave. ça m'a touché. Oui, Fall Guys, c'était bébête, mais bon, maintenant, au niveau de la nouvelle saison, c'est un peu plus compliqué en termes d'ajout, de round et tout ça. Donc, c'est un peu dead game, hein, comme disent les gamers. La calve à la gige. Insane, en fait. Juste insane. Après, moi, en dernière nouveauté, bah, Unspotable, mais bon, on en a déjà parlé aussi. C'est ça. On n'en a pas parlé dans le podcast. Ah, on n'a peut-être pas parlé dans le podcast. Je crois pas, hein. Mais je te le laisserai alors. Qu'est-ce que c'est qu'Unspotable? Ah, bon, on peut en parler là si tu veux, Adrien. En plus d'une chanson de Sia plutôt excellente. Alors, c'est Unspotable. C'est Unspotable. Unstoppable. Pardon, tu viens de le dire? Non. Non, c'est moi, pardon. Unspotable. Unspotable, c'est un jeu d'un studio indé français qui s'appelle Gros Chevaux. Et le principe, pour ceux qui connaissent le jeu Hidden in Plain Sight, en gros, le principe, c'est que. Donc, c'est un jeu qui joue en multi-local. Et en fait, c'est en gros des niveaux où il y a plein de personnages qui sont absolument identiques en apparence. Et chaque joueur humain contrôle un de ces personnages. Donc la première étape du jeu, c'est de déjà trouver parmi toute cette foule qui tu es, où tu es. Et une fois que tu as vu lequel de ces personnages tu contrôles, le but est de démasquer les personnages humains. Donc en regardant leurs déplacements pour voir s'ils ont l'air un peu trop sortis d'un esprit humain, etc. Et puis en fait, chaque niveau, il y a un élément de gameplay différent. Et on y a joué... avec Pierre, parce que le studio a eu la gentillesse de nous filer une clé. Allez, bien sûr, bande de vendus. Avant que je sorte. Bah oui. J'ai pas la plaie, mais j'ai Unstoppable. Et donc on y a joué avec Pierre, avec Copain du Web aussi notamment. Et donc c'est super. Alors on peut y jouer en sur le web via Parsec par exemple, ou alors avec le Steam Remote Play. Et j'avoue que moi, j'ai bien hâte que le confinement s'arrête et qu'on puisse y jouer tous les trois en mangeant des biscuits apéro et en buvant du coca, parce que c'est vraiment, je pense, le contexte idéal pour jouer à ce jeu. J'ai vraiment tout. En fait, j'ai un peu, moi, en 2020, redécouvert ces jeux-là un peu très simples qui se jouent en multi. Et donc, ça me fait une transition toute faite pour mon autre jeu qui est Boomerang Fu. Oh, mon gâté! Ah là là, bah oui. C'est... Shifter Pro. Shifter Pro. Shifter Pro, bien sûr. oh, mais vous êtes à contresens ou quoi? T'es à contresens, Macron! C'est le TikTok de Mélenchon où il dit que t'es à contresens, Macron, pour les gens qui ne le connaissent pas. Et Boomerang Fu, le principe est très simple. Chaque personnage, chaque joueur dirige un personnage dans le niveau qui est fixe, quoi. Et en fait, chacun a un boomerang et tu dois tuer les autres avec un boomerang. Mais évidemment, tu peux récupérer des bonus qui vont te filer des avantages, genre le multi-boomerang, le boomerang explosif, le boomerang de glace, etc. Et c'est vraiment très, très, très marrant. On peut y jouer jusqu'à 6, je crois, en même temps, sur Switch. C'est insane. Et c'est absolument insane. Ouais, moi, j'ai joué avec mes neveux, nièces, mon frère, cet été. Et c'était d'excellents moments. C'est le premier jeu d'un studio australien dont j'ai oublié le nom. Mais très, très, très marrant. Voilà. Et bon, bah, je te laisse, Pierre, parce que du coup, je t'ai un peu accaparé la parole. Oh non, mais on se partage, quoi. Tant que tu m'accapares et tu m'accapares... Oh, allez, nique-toi. Akab. Je le mérite. Non, mais sinon, bah, GOTY, en fait, c'est ce qu'on dit hein, quand on est un vrai gamer. GOTY, pour moi, c'est Hades, quoi. Qui est disponible sur Switch et PC. Qui, par les gens qui ont fait Transistor. Et qui nous plonge dans la peau de Zagreus qui doit s'échapper des enfers en battant. Moult ennemis à l'aide de divinités et c'est absolument incroyable. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes Twitch là. Mister MV qui en fait à balle, Antoine Daniel. Il y a eu pas mal de runs et c'est assez jouissif et surtout que moi c'est un aspect du jeu vidéo auquel j'avais jamais trop goûté parce que j'étais très intimidé par tout ce qui est Die and Retry, ouais. Roguelike, Roguelite. Et donc c'est un système où bah, il faut être habitué à louper en fait. Ouais. Et on y retrouve un beau message de vie en soi, c'est que d'accepter que les échecs bah, c'est une expérience en plus et t'avances plus loin. Et voilà. Ouais. Quand tu recommences, tu t'en sors mieux. Exactement, et c'est très bien. Là, je suis actuellement à plus de 120 runs et c'est vraiment incroyable comme jeu quoi. Voilà. Et j'en profite. Oui, pardon. Non, vas-y. Non, parce que j'allais dire, du coup, moi, un autre roguelite auquel j'ai joué que j'ai beaucoup aimé, c'est Down Under. Going Under, pardon. Down Under, pas du tout. C'est une chanson de Men at Work. voilà, bande originale de Nemo. Bon, bref. Going Under, qui est aussi un roguelite, mais dans un univers aussi bien graphique que le contexte complètement différent. C'est un jeu où, en gros, on incarne une stagiaire qui arrive dans une start-up. Et donc, déjà, le ton est très marrant et ça se fout un peu de la gueule de l'univers des start-up et tout, donc c'est assez cool. Et en fait, le patron dit « Bon, bah, va tuer les gobelins qui sont dans le sous-sol, quoi. » Et du coup, tu vas au sous-sol et c'est encore. Bah, après, c'est pareil, c'est un roguelite où tu débloques des trucs, tu meurs, tu recommences, etc. Mais c'est très très cartoon et très très beau graphiquement et tout. Et le jeu est vraiment cool. Donc voilà, si jamais voilà, vous avez fini Hades et que vous voulez un autre roguelite qui est sans doute peut-être moins deep que Hades, je sais pas, mais très cool. Et qui en plus, voilà, un jeu indé et pas cher qui permet de soutenir un studio dont c'est un des premiers, ou peut-être le premier jeu aussi, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas. Going Under. Dans vos gueules, les gars. Et alors, si vous, on parlera un peu plus tard, si vous y pensez, les gars, à une série que vous avez aimée en 2020, ou en tout cas une chaîne YouTube que vous avez kiffée. Mais avant de continuer ces espèces de best-of et tout, j'aimerais revenir sur l'année 2020. C'est une année, oui, effectivement, qui avait plutôt. Voilà, qui puait plutôt la merde sur pas mal de plans. Et c'est pourquoi je me suis dit, ne partons pas sur des mauvaises nouvelles, ne partons pas sur un échec, laissons une chance à 2020. Je vous ai fait un petit questionnaire, un petit quiz de bonnes nouvelles. Le quiz des bonnes nouvelles, il s'est passé des choses plutôt chouettes en 2020. Et j'aimerais, dans un élan optimiste, qu'on se dise qu'effectivement, 2020, c'était horrible. Des millions de morts, une catastrophe, mais aussi des trucs un peu cool. Est-ce que ça vous va? Allez, ben bien sûr, hein, tu un peu, voilà, essayer d'être un petit peu good vibes, exactement. Ouais. Good exactement. Vibes only, good vibes only. Savez-vous qui est Adam Castillejo, le patient de Londres, et pourquoi sa vie a changé en 2020? Alors, on dit le patient anglais, hein, pour rester dans le cinéma. Non, c'est surnommé le patient de Londres. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait le patient de Berlin avant lui. Lui, c'est le deuxième, le patient de Londres. Et à votre avis, pourquoi est-il connu? Qu'est-il arrivé en 2020 pour qu'il soit célébré? Il a guéri de quelque chose? Exactement, à ton avis, de quoi? Quelque chose qu'on pensait incurable? Un peu de ça, il y a un peu de ça. La c'est dépression même tout à fait ça. Non. Et non, ça toujours pas. Non, une vraie grosse maladie très célèbre. Parkinson? Non. Le sida? Exactement, il est le deuxième être humain à avoir été guéri du sida. Donc c'est ce que je disais, il y avait le patient de Berlin, donc lui c'était le premier être humain à avoir guéri du sida, et lui c'est le second. Grâce un à des infâme copieur à mes yeux. Ouais, j'ajure. D'ailleurs, bravo à lui. D'ailleurs, dans Copy Sida, bon, y a que deux vidéos, mais, mais vraiment, il est tout de suite dedans. Donc oui, il a été c'est grâce à une greffe de cellules souches qu'il a réussi à survivre. Et donc voilà, plutôt un message d'espoir. Bah, une très belle nouvelle, oui. Bravo aux gens qui l'ont soigné, plus que lui. Bravo à lui, parce que c'est quand même un traitement qui a duré 10 ans. Oui, Adrien, de merde. Non, parce que t'es en train de sous-entendre que c'est une grosse merde, ce gars. justement, c'était une réflexion. Tu disais, il aurait pu faire attention, t'as dit. Une réflexion que je me suis faite récemment, c'est que, notamment, on l'a vachement entendu là pendant le Covid, où par exemple, quand il y avait une vieille qui guérissait du Covid, et on disait, waouh, elle est trop badass, elle a guéri du Covid et tout. Queen. Et je trouve qu'il y a un côté, ça sous-entend que, genre, ceux qui sont morts sont pas badass. Battez-vous au final. Au final, t'es quand même assez peu, t'as assez peu de contrôle sur est-ce que tu vas guérir ou pas, quoi. Donc je trouve ce truc de dire bien joué, bravo, il est hyper badass et tout. Il y a un côté, oui, donc les autres sont des merdes parce qu'ils sont morts d'une maladie, quoi. Mais c'est d'ailleurs des articles beaucoup moins célébrés. Il y a des articles qui disent encore 225 merdes mortes du Covid. Faites des efforts, bordel. Qui est selon vous, qui est Lisa Su? Une femme qui a été célébrée en 2020, à votre avis, pour quelle raison? Elle a beaucoup picolé. Non, une femme originaire de Taïwan. C'est ma gossure, en tout cas, Lisa Su. Oui, c'est une sûre. Sûre et sous. Le jeu bien de sûr, mots. Bien sûr. Bah, je l'avais. Et elle a grandi aux États-Unis. Elle est PDG d'une société. Les processeurs AMD, pour ne pas les citer, je sais que tu es amoureux de tech, Adrien, tu connais bien. Oh bah, AMD Ryzen, AMD Ryzen, c'est ce que j'ai dans la carlingue. Et bah, la patronne de cette société a marqué l'histoire parce que c'est la première de quelque chose, à votre avis, de quoi? C'est la première à être milliardaire. Femme dans la tech. Ah. T'as dit quoi, Pierre? La première à devenir milliardaire? Non, pas du tout. Mais t'es pas très loin, j'ai presque envie de te l'accorder. C'est la première fois. Un milliardaire de ses mains. Waouh. En regardant dans les yeux, en enfonçant les pouces dans sa jugulaire. C'est la première fois dans l'histoire que le patron le plus payé de l'année est une femme. Et en l'occurrence, c'est elle qui a gagné 58,5 millions de dollars. Voilà. Tout simplement. Pas mal. Donc, j'aimerais bien. Pour le coup, ouais, c'est une somme que tu pourrais investir dans quelque chose. Bah ouais, enfin, peut-être un petit appart et tout, enfin, se mettre bien et mettre à l'abri. Quelques bons becs. Peut-être. De, pardon quoi? Peut-être le Téléthon. Apparemment, ça arrive en 3. Bon. L'Écosse s'est illustrée cette année en étant le premier pays du monde à voter une loi destinée à faciliter la vie de millions d'habitants. À votre avis, quelle est cette loi? Pour les sans-abri? Non. Des millions d'habitants, mais des habitants qui ont une spécificité par rapport à d'autres. Ce sont des chats? Non. Des humains? Ce sont des humains? Ce sont des humains. Est-ce que c'est une loi? Ah, mais attends, ça me dit quelque chose. C'est mais c'est pas le mariage. Non, le, non. De, non, ben, non. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. L'adoption, quelque chose à avoir rapport avec l'adoption? Non. Ça commence à m'intéresser de moins en moins. C'est une loi. Non, c'est une loi qui concerne les femmes. C'est l'avortement. Bah non, l'avortement. Non, le premier pays, les gars, on a le droit nous aussi en France. Ah, non, le premier pays mondial. Ah, j'avais pas entendu. C'est le premier pays qui a voté une loi destinée à faciliter la vie de millions d'habitants. À savoir... Ah, est-ce que c'est pas genre les protections, les serviettes hygiéniques gratuites? Exactement, ou remboursées? Exactement. Allez. Exactement. L'Écosse est le premier pays à avoir rendu les protections hygiéniques gratuites après de nombreuses manifestations. Mais je savais pas ça. Et si, et c'est des le crack. Premier pays du monde, tout bonnement. Putain, que c'est fou. Que s'est-il passé au Zoo Ocean Park de Hong Kong et qu'on attendait depuis près d'une décennie? Bah, des pandas se sont reproduits. Exactement. Grâce à l'absence des humains, des pandas ont pu se reproduire. Oui, c'est vrai. À cause du confinement, enfin genre. Ouais, c'est ça en fait. En étant grâce, plus emmerdé. En fait. Ouais, c'est ça. En étant plus emmerdé par la présence des humains, ces deux pandas ont enfin réussi à s'accoupler. Et vraiment, le seul truc qu'ils n'avaient pas essayé, je les laissais tranquilles en fait. Je comprends pas. Wow. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent pas se reproduire. Bah, arrêtez d'aller les espionner tous les jours. Mais moi, souvent, peut-être. C'est la même chose quand j'ai des invités à la maison. Je ne kenne pas ma meuf dans le salon. Je suis obligé d'attendre qu'ils partent. Ouais, non, mais c'est fou. Ouais. Ça, c'est un truc qui a été observé apparemment dans un peu tous les zoos du monde, quoi. C'est-à-dire qu'avec le confinement et tout ça, vraiment tous les animaux étaient vachement bien plus épanouis. Dès que tu les laisses tranquilles, en fait, bizarrement, ils sont beaucoup mieux, quoi. Mais ça, donc, c'est fait partie des zoos, trucs. SVP. C'est un des trucs qui m'a fait le plus rire pendant le premier confinement. C'est les trucs où ça montait de plus en plus. Genre, on a revu des dauphins à Venise, on a revu. Enfin, c'était vraiment. C'était genre incroyable, quoi. C'était vraiment. Oui, et oui. Je me dis. Et toutes les blagues sur Twitter de bon bah voilà, il y a des ours à Paris, il y a des trucs, ça, des petits montages un peu sympas. Hilarant. Qui me faisait un peu, bah moi ça me plaisait, moi j'aimais bien. Au début marrant, après vous êtes juste des suiveurs et c'est moins drôle. Waouh. Pierre, c'est ce que tu penses. Qu'a prévu d'arrêter l'Allemagne en cette année 2020? Et c'est quelque chose que moi je ne comprends toujours pas, que ce ne soit pas obligatoire dans tous les pays du monde. Un truc en rapport avec l'écologie. Ils ont prévu d'arrêter quelque chose. Ah, éteindre les lumières des magasins la nuit. Exactement, d'interdire les projecteurs la nuit. Ça, moi, pareil, ça me rend fou. Incompréhensible. Alors, sachant que la raison m'a surprise, puisque eux, c'est pour lutter contre le déclin dramatique des populations d'insectes. Alors, je ne savais pas que la lumière tuait les insectes. Les insectes jouent un rôle important dans l'écosystème, mais en Allemagne, leur nombre et leur diversité ont fortement diminué ces dernières années à cause de l'omniprésence de projecteurs et de lumières à l'extérieur. Voilà. Mais moi, quand j'étais allé à Berlin, et alors je sais pas si c'est dans tous les quartiers, mais genre il y a des quartiers où il y a pas d'éclairage public la nuit, quoi. Genre il y a pas de lumière. T'as la lumière ambiante qui vient des bâtiments et tout, et genre t'as pas de lampadaire, quoi. Et je crois que ça c'est par souci d'écologie. Alors ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas il y avait vraiment des quartiers où t'as pas de lampadaire. Genre tu vois devant toi et tout, mais c'est pas peut-être éclairé, ça... quoi. Peut-être que ça se répand encore plus rapidement là en 2020. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui. Alors, à Paris, c'est vraiment dramatique, puisque tu as vraiment des Zara et des H&M où vraiment le spot ça me rend est à dingue. Balle, quoi. Et c'était marrant parce que j'avais fait une story en disant que je comprenais pas. Enfin, j'avais juste pris une photo en disant, mais là, c'est beaucoup parce qu'il y avait vraiment 17 spots côte à côte qui vraiment éclairaient la rue, quoi. De l'intérieur d'un magasin. Donc, c'était assez fou. Et quelqu'un m'a dit, sur le côté, regarde, tu peux l'éteindre avec un levier. Donc, moi, il y avait un peu deux choses. C'est genre d'une. Je vais pas crapahuter pour éteindre ça moi-même. Et de deux, bien si sûr. C'est aussi simple, pourquoi laisser allumer? Parce que moi, c'est jamais arrivé que je passe devant une vitrine la nuit, que je me souvienne d'un vêtement et que je me dis je reviendrai demain, tu vois. Je comprends vraiment pas. Donc s'il y a des gens qui vivent dans la, qui sont plus dans dans les trucs de magasin et qui ont peut-être une raison que je suis prêt à écouter. Je ne sais pas si je suis prêt à l'entendre, mais je suis prêt à l'écouter. Qui n'hésite pas à nous dire ce que je comprends toujours pas pourquoi on laisse toutes les lumières allumées c'est dans les magasins la nuit. Bah, quoi. On sait pourquoi. C'est parce que les gens se disent ils voient nos produits. C'est on veut exposer nos produits. Mais ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Puis en vrai, même si ça marche, ça doit être anecdotique. Enfin, ça doit être quand même rarissime que tu vois un produit et tu dis oh putain à 4 heures du mat et tu dis je vais revenir demain l'acheter quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Même, et même si ça marche, on s'en branle en fait. Enfin, non, puis des fois c'est des lumières de genre à orange. Moi, je suis passé devant un orange là il y a pas si longtemps. Parce que j'ai une vie assez trépidante, hein. Moi je vous la cache beaucoup, mais je suis passé devant un orange. Ouais. Et il y avait des écrans LED lumineux qui clignotaient, quoi. Et là tu dis, mais vous vendez rien. Savoir ce que tu fous la nuit en ce moment. C'est mon heure, j'ai une heure dans un kilomètre de d'entourage, donc je le fais. Si, pendant une heure, t'as le droit. Dégonner les gens. On repart de Nekfeu, je comprends pas. T'as le droit, je te jure. Non, mais oui, orange en plus, c'est ce que tu viens de dire peut-être, mais vraiment il y a un truc genre. C'est ça. Personne se dit, oh putain, je vais changer d'opérateur. Je vais souscrire là. Ouais, je vais souscrire. grosse envie de souscrire à 90. Alors là, demain, je reviens dès que c'est ouvert là, demain. Non, à la limite, s'il y a bien une marque où je veux bien l'entendre, c'est PlayStation, où je veux bien qu'ils fassent ça la nuit. Surtout si. Ça, pour le coup, bien c'est sûr. Pour vendre des jeux plutôt cool. @PlayStation France. Quelle maladie a été éradiquée en Afrique? La malaria. C'est la polio, tout simplement. La polio. Ah. Et cette année, près de 1,8 million d'enfants ont été sauvés grâce au travail des habitants, des ONG, tout le monde. Et la polio donc est présente. C'est fini, éradiqué quoi. En Afrique, alors c'est encore présent apparemment au Pakistan. Et, en Afrique, c'est sur la bonne voie pour de disparaître. Voilà. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bon. Qu'est-ce que l'Égypte a prévu d'arrêter de faire? Elle s'est engagée à ça en 2020. Des pyramides. On arrête. On arrête. Mais on leur a dit, ça faisait longtemps que vous aviez arrêté. On l'officialise. Les habitations en parallélépipède sont beaucoup plus pratiques. On arrête d'écrire avec des petits dessins. On a décidé. On va écrire avec des vraies lettres. On arrête les petits dessins. Non, c'est pas ça évidemment. Mais tu rigoles, ils vont arrêter un truc et justement près des pyramides, ça risque de ne plus exister. Construire des McDo, ouais, c'est ça. Construire des McDo. Non, c'est pas ça. Quoi. Ah. Et non, Pierrot, c'est pas ça. Ils vont arrêter de faire un truc. Ça a un rapport avec le tourisme ou pas? C'est un très gros rapport avec le tourisme. Mais arrêter les visites des pyramides. Non, pas les visites toujours. Un rapport avec le Nil? Non, une façon de visiter qui était très à la mode. T'as dit quoi, Pierre, pardon? Ah, les, à dos de chameaux, de dromadaires. Exactement. Les badades à dos d'animaux près des sites touristiques vont être abandonnées. Voilà, tout simplement. Alors, la précision de près des sites touristiques, du coup, je ne sais pas si ça va être totalement arrêté. Mais en tout cas, apparemment, il ne va plus y avoir de balades à dos d'animaux. Voilà. Même une bonne nouvelle. Les animaux n'ont aucune envie que vous montiez sur leur dos. Je voulais vous le dire. Si vous n'étiez pas au courant. Sauf les chats, mais malheureusement, ils les en meurent. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils adorent ça, mais malheureusement, le poids fait qu'on les tue immédiatement. Et c'est con, hein, parce que vraiment, ils kiffent. Je veux dire, c'est même valable pour les éléphants, dont on pourrait croire que pour eux, c'est rien d'avoir des humains sur le dos. Mais en fait, c'est de la merde aussi, quoi. C'est même. Parce que souvent, c'est. Enfin, désolé, hein, mais c'est. Bon, remarque, c'est dans le thème, mais c'est juste que même les. Enfin, moi, on voit souvent des gens sur Insta poster des photos, ils sont sur le dos d'un éléphant, et en fait, c'est aussi beaucoup de souffrance animale. Ils sont rarement bien traités pour être aussi dociles, etc. Voilà. Donc, sauf les éléphants un peu punk à chien, pour qui nous sommes l'équivalent des rats. Donc, du coup, ils aiment bien l'avoir un peu sur leur épaule. Ils se baladent. Ouais, voilà. Ils se baladent en teuf et ils ont un petit humain sur eux et ça les fait kiffer. Et les éléphants plus propres disent putain, mais t'es dégueulasse, mec. Tu te trimbales avec un humain, tu sais les maladies que ça a et tout. Le Covid. Covid, mon pote. Et l'éléphant, il fait oh, peace, les man. Ok, on peut kiffer un peu la vie quand même. Éléphant man, d'ailleurs. Par contre, ils foutent des canettes de 8-6 partout et c'est énorme leurs canettes. Les éléphants, ils sont relous. Ben oui, parce que chez eux, c'est des tonneaux de 8-6. Bien sûr. Oui, c'est vraiment vénère, quoi. Des très gros francs prix. Ils ont des gros anneaux sur la bite. C'est vraiment des très grosses marches d'église aussi sur lesquelles ils s'assoient. D'énormes sur les très grosses marches des temples. Bah j'adore. J'ai envie de faire un petit dessin animé autour de ces histoires. Qu'a décidé de faire Amsterdam pour aider les jeunes habitants de leur quartier. Et c'est pas leur racheter de la weed, hein. Oui, la grosse de... bonne weedas. Pour aider les jeunes, c'est les jeunes uniquement. Les jeunes uniquement. Ils leur offrent un truc gratuitement qui normalement est payant. De l'internet. Non, alors c'est pas si faux ce que tu dis, Adrien, mais la formulation est un peu alambiquée pour moins dire cher. Ce que c'est. Non. Ah. C'est pas l'accès gratuit à un truc qui est. Enfin, c'est pas l'accès gratuit à quelque chose. Non, c'est pas ça. Transport. Ah non, pas du tout. Non. Ils leur donnent de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Revenu universel, enfin, bam, tous les jeunes. Plein de pas si éloigné. Je vais vous le dire parce que c'est en gros, Amsterdam va rembourser les dettes des jeunes. Parce que selon eux, l'endettement, ça peut vite devenir un piège vicieux dont il est impossible de sortir. Et donc, ils ont décidé que les jeunes citoyens écrasés par le poids de leurs dettes, afin qu'ils aient une chance de rebondir, la ville d'Amsterdam a fait un choix qui peut sembler radical. Elle rachète leurs dettes. Les dettes mais attends, causent beaucoup c'est genre ponctuel ou alors c'est à partir de maintenant? Je pense que c'est ponctuel, sinon après c'est la porte ouverte. Mais en gros, les dettes causent beaucoup de stress. Faut avoir des dettes vraiment au bon moment, quoi. Du coup, ils vont avoir des dettes l'année d'après, ils sont genre merde. Et dans le cas des jeunes, elles déterminent souvent leur avenir. La majorité de ces jeunes ont commencé avec des arriérés et par malchance ou par ignorance se sont retrouvés dans une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir sans aide. C'est pourquoi nous allons maintenant les aider afin qu'ils puissent prendre un nouveau départ. Ce chantier a été mis entre les mains de la Banque de Crédit Municipal. Charge à elle de récupérer la dette après négociation auprès des créanciers. Cependant, attention, reprendre la dette ne signifie pas l'effacer. Ceux qui bénéficieront de cette initiative devront toujours rembourser les sommes en question. La différence, et elle est de taille, c'est qu'ils le feront désormais à la hauteur de leurs moyens. Voilà. Ah oui, c'est pas des créanciers qui te saignent. Voilà, si t'as une dette de 2000 balles mais que t'as que 500 euros, ils vont pas te prendre moins machin. Ils vont attendre que, tu vois, une fois que t'as je sais pas 500 euros, ils vont te prendre 50 euros. Ah voilà, oui, bon, d'accord, j'ai dit des chiffres au hasard, mais... prennent la dette. Ok, d'accord. Exactement. Voilà, pour ne pas te saigner. Joli. Comme tu disais si bien. Bien joué Amsterdam. Et du coup ça doit être à partir de maintenant, j'imagine, non? C'est pas ce... Oui, je pense que c'est pas. À partir de maintenant. Oui, ça doit pas être avant. Oui. Et enfin, une nouvelle d'écologie. À votre avis, pour la première fois de son histoire, bon, je sais pas comment vous tournez la question parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de l'écrire, vous êtes arrivé à ce moment-là. Mais bon, yes. Vous savez quoi, je vous le dis, il y a pas de question. Je vous dis juste une bonne nouvelle. Pour la première fois en Europe, les énergies renouvelables sont devenues la première source d'électricité devant les énergies fossiles, permettant une chute de 23% des émissions de CO2 dans le domaine de l'électricité. C'est la première fois dans l'histoire de l'écologie, ouais, que les énergies renouvelables passent devant les sources fossiles. Voilà. Donc c'est pas mal. Putain, l'espoir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Littéralement. Voilà, un peu de bonne nouvelle quand même. Bah, ça fait un peu sûr, de bien. Bien ça fait un ça peu de bien. Ça a rattrapé mon année. Hein. Ah, en vrai, non mais je te jure, là, je suis requinqué quoi. Troisième vague, voilà. Deuxième, je la surfe, mon pote. Faut aller couilles. Bah t'es brise de l'if. Hein. Ouais, bien sûr. Bah oui, mais ça farte maintenant. Les gars, est-ce qu'il y a une série que vous avez kiffé cette année? Moi, je suis pas très série, j'ai juste vu la saison 2 de The Boys que j'ai bien aimé, mais sinon je n'ai pas trop regardé de série. Est-ce que vous, il y en a une que vous avez kiffé? Vas-y Adrien. Ouais, bah moi je suis une série, mais Aurélien l'avait conseillé dans le Floodcast. Hélène et les garçons. Dave. Ah oui, j'y ai vraiment pensé parce que bah c'est ton sosie actuellement. Là, je t'ai sous les yeux. C'est vraiment toi. Ah, moi je ressemble au gars, ouais. Ouais. Okay. Oui. Et donc ouais, Lil Dicky, bah c'est une série d'un mec qui veut réussir dans le rap. Mais ah qui, oui, donc en voilà, plus c'est dans la vie. Par contre, c'est ton sosie dans ses ambitions. Voilà, pour les ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc c'est Lil Dicky qui est un vrai rappeur lui dans la vie. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le personnage a une personnalité qui est pas du tout en adéquation avec le milieu du rap. Mais lui, il a vraiment des ambitions d'aller se frotter aux rappeurs établis et de devenir le meilleur rappeur du monde et tout. Et en fait, le contraste entre ses ambitions et ce qu'il est assez drôle. La série est assez cool. J'étais agréablement surpris. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, je crois, et c'est sorti cette année. Ouais, c'est sur MyCanal, j'ai vu passer le truc. Ouais. Sur OCS, je sais pas si c'est sur OCS ou sur... Et d'autres séries, ma foi. Pierre, toi sorti, oui. Je vais chercher. Bah moi là récemment, et que je vous invite à regarder, c'est How To With John Wilson, qui est sur HBO. Donc, qui est, c'est quoi le principe? Série documentaire, en fait. Donc, c'est produit par Nathan Fiedler, qui avait fait Nathan For You. Et en fait, on suit les aventures. Je ne sais pas d'où il vient, le John Wilson. Je pense à un écrivain ou un journaliste. Et du coup, il filme un peu toute sa ville de New York. Donc, il a vraiment une banque d'images un peu folle. En fait, c'est un peu mais ce qu'aurait pu devenir Kazenestat s'il n'aimait pas la thune, tu vois. Vraiment, en termes de narration et trucs comme ça, c'est magnifique. Et en fait, ça va être un point de départ. Et là, le premier épisode, ça va être How To Small Talk. Donc, c'est quoi le small talk? Dire bonjour, nanana, ce que ça induit, ce que ça le ramène dans sa vie. Et ça part un peu en couille. Comme on peut le connaître avec Nathan Fiedler, on reconnaît sa patte. Et c'est trop drôle, c'est assez bouleversant. Là, tu vois, donc c'est How To Small Talk. Je crois que le deuxième épisode, c'est comment faire des échafaudages, en fait. Il part du principe que New York, il n'y a que des échafaudages partout. Et il essaye de comprendre d'où ça vient, pourquoi. Et au final, ça lui ramène à les échafaudages que peut-être nous-mêmes, on peut se mettre, un truc comme ça. Là, le dernier épisode, c'est un toutes les semaines. Le dernier épisode est assez fou sur pourquoi on essaye de protéger absolument les nouvelles possessions qu'on peut avoir. Donc, on va avoir des gens qui vont plastifier leur canapé et comprendre pourquoi. Et je vous spoil rien, mais le final est absolument incroyable. Voilà. Et donc, moi, pour le coup, je pense que HBO, c'est carton plein. Betty, cette année, incroyable. Si je peux mettre dans mon top 3, Betty, qui est une série sur qui suit un peu une bande de meufs qui veulent faire des séances de skate en non-mixité. Et on suit leur histoire et c'est feel good et c'est génial. C'est l'adaptation slash crossover du film qui s'appelle Skate Kitchen. Et le GOAT, enfin le SAUT, la série, le show of all time, le SAUT, pour moi c'est I May Destroy You. J'en ai beaucoup entendu parler. On suit l'histoire de Arabella, qui est une écrivaine et qui subit une agression sexuelle, et on suit la résilience, enfin le deuil d'une certaine vie, son traumatisme, et c'est un putain d'incroyable. Donc c'est Michaela Coel qui avait fait Chewing Gum, et on suit. C'est assez éprouvant et assez nécessaire. Je trouve que, et surtout en tant que gars, je trouve ça beau et ça déconstruit pas mal de trucs bien toxiques. Et puis bon, il faut avoir un certain moral, donc je pense au gros trigger warning et tout ça. Mais ça m'a bouleversé, et même au niveau des réseaux sociaux, comment ça s'ancre dans nos vies, tout ça. Enfin, c'est tellement malin. Et HBO nous ont servi vraiment. Mais donc OCS en France, parce que là tu te la joues à l'arricaine, parce que tu voles sur Streamio. Oui, pardon. Mais normalement c'est sur OCS, quoi. Il met Destroy You. Par exemple, La Flamme, je l'ai vu sur MyCanal. Non. C'est faux. Non, c'est HBO, ouais, c'est OCS. I May Destroy You, c'est disponible sur HBO. How To With John Wilson, pas sûr, parce que je crois que c'est HBO Max. Donc je pense que c'est pas sur OCS. Je crois que tout ce qui est sur HBO Max, c'est pas sur OCS. Mais tout ce qui est sur HBO est sur OCS. Donc ouais, I May Destroy You, c'est sur OCS. Voilà, mais sinon, tout ce qui a sorti HBO, vraiment, c'est fou. Très bien. Bon, écoutez, les gars, c'est bientôt la fin de l'émission. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle? Vous savez quoi? Je vais commencer. Parce que j'ai découvert une chaîne YouTube très sympa. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est une chaîne YouTube à 795 abonnés. C'est personne. Il n'y a personne qui regarde cette chaîne YouTube. Et elle mérite beaucoup plus de vues. C'est Kian qui m'en a parlé, parce qu'en gros, le concept de cette chaîne YouTube, c'est un gars qui fait des reviews de spectacles de comédie. Alors, ça peut faire peur dit comme ça, mais en fait, il donne moins son avis que déconstruire un petit peu le spectacle pour vous donner des pistes de comment les gens font de la comédie, en gros. Par exemple, il va prendre un spectacle de Richard Pryor et parler de pourquoi ce spectacle est légendaire. Il va prendre le spectacle de François Rollin et va expliquer comment il mêle l'absurde, le côté littéraire et compagnie. Ce que j'adore en plus, c'est qu'il mélange des spectacles français. C'est un Belge, le gars qui fait la chaîne YouTube. Il mélange des spectacles, d'ailleurs je dis français, mais francophones, parce qu'il y a même, il y a du Thomas Wiesel, il y a du Le Caplin, il y a du Kian, il y a Farid. Et à côté de ça, il parle aussi de Georges Carlin, de Richard Pryor, mais aussi d'humoristes que moi je connaissais pas trop, comme Sébastien Maniscalco, voilà, par exemple, que je connais pas parce que je suis sur la chaîne YouTube en même temps que je vous parle. Et pareil, il y a pas que du stand-up, quoi. C'est-à-dire qu'il peut parler autant de Bob Burnham que de Patrick Timsit. Bref, c'est assez large. Il y a pas beaucoup de gens qui, enfin voilà, il fait pas beaucoup de vues. Je me permets de le dire, parce qu'il en fait des blagues en disant bon bah je parle pour 700 personnes, mais ça me fait kiffer. Et c'est de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'au début tu sens qu'il se cherche un petit peu, mais les dernières vidéos sont vraiment marrantes et intéressantes. Il met des vrais extraits assez longs à chaque fois du spectacle, donc en plus il y a un vrai côté chouette à avoir envie de découvrir des humoristes, à donner sa chance à des spectacles. Donc voilà, c'est la chaîne s'appelle Driss, D-R-I-2-S, et je vous invite à regarder ça, c'est assez intéressant. Voilà, si vous aimez bien le monde de la comédie et de comment on fait des spectacles, c'est vraiment intéressant, voilà. Adrien, tu me prends un peu au dépourvu là. Vas-y, tu veux choisir cette pierre, Moi, c'est un peu la même aussi. Après, je sais pas si vous connaissez un truc, c'est quelque chose que tu as aimé culturellement récemment. TikTok. Ah, et Pierre, tu as disparu. Pierre. Ah, allô Pierre a frisé. Allô. Allô. Et la Porsche. Pardon, ah, tu as frisé. Si, on a entendu. Oui. TikTok, bien sûr. Ouais, une espèce d'application qui s'appelle TikTok. Super, bah ouais. C'est incroyable, quoi. Et donc, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du lip-sync en bougeant les yeux, ça, c'est vachement bien. C'est ça, ouais. Bah, je sais qu'Adrien... j'ai fait basculer Adrien là-dedans, et je sais qu'Adrien, ça a un peu changé sa vie. Après, je veux pas toujours remettre sur lui et tout ça, mais Bella Porsche, je crois qu'il adore. Mais ouais, non, TikTok, je pense que ça a fonctionné. Et là, en ce moment, j'adore voir... un installateur de fibres qui est trop trop bien. Ça me fascine. Sur TikTok. Ça aspire mon âme. Ouais. Je nous défends deux secondes avec Adrien parce que déjà on est passé pour des boomers 2000 la dernière fois à vanner les gens qui font des marathons et machin et tout. Mais TikTok. Mais je le dis parce qu'il y a des auditeurs qui nous l'ont dit. Mais là en plus, Pierre, c'est très cool de t'avoir. C'est très cool de t'avoir, Pierre. C'est que sur Twitter, t'as un thread où tu me fais découvrir des gens de TikTok qui pour le coup ont un humour qui me parle plus parce qu'il y a. Très connu et un TikTok un peu plus secret que toi tu connais par cœur et où pour le coup il y a des trucs très très drôles, voilà. Donc il y a des trucs que j'adore sur TikTok, la meuf qui fait du lip sync en bougeant les yeux et dont tu parles comme si c'était De Vinci, non par contre c'est pas... Alors vous avez vraiment mal interprété ce thread, mais ouais, comme le gars qui fait du skateboard en buvant de l'eau, pas si fou. Il y a plein de gens qui font du skateboard, ouais, bon c'est pas mieux et ça change tout en fait, et je l'explique dans mes threads en tout cas. Ouais. Parce que ça diffère. Tu fais ça pour aller chez Quotidien et on le sait très bien, Pierre. Bah, en tout cas, ils me suivent. Tiens. C'est peut-être pour voler des génériques encore, non? Bah, c'est ce que j'ai voulu proposer la dernière fois. Non, la dernière fois, il y avait des équipes de Quotidien sur mon tournage et j'ai failli faire un maxi SO, comme disent les jeunes, à Quotidien. Bah oui, tu l'as pas fait parce que t'es lâche. En bon lâche, tu n'as rien fait. Bah, non, tu sais pourquoi, Adrien? Parce que je t'ai fait, mon pote. Parce que t'es good vibe. En même temps, tu sais que j'ai déjà fait des essais pour Quotidien et ça s'est pas super bien passé. Donc... Je savais pas. Bah, si, à l'époque. Ouais, mais c'est Maxime Muscat, je crois, qui a été pris cette année-là. Je vais faire la météo, je crois. Ah oui, moi je vais faire la météo. Non, mais bref, TikTok. Mais en fait, tu m'as pris au dépourvu. C'est vrai que j'ai. Parce qu'en fait, c'est que des recos, ce putain de podcast, mon Florent. Oui, c'est vrai. Après, voilà, ça fait 6 ans qu'on fait un peu ça en fin d'émission. Donc voilà. Oui, mais après, là, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Tu vois, j'allais te parler de Zikmu, mon pote. J'allais te parler de plein de trucs, tu vois. Mais vas-y, c'est ton moment. Vas-y, parle-en. Si t'as prévu de parler de musique, tu peux en parler là. Non, mais je pensais qu'on allait faire ça dans cette année, tu vois, cette année, il y a plein de choses. Bah, en bande organisée, personne peut nous. Voilà. Canaliser. Oui, voilà, ouais, c'est ça le mot. Ouais, ouais. Bah, je suis là. Je suis actuellement dans le 4x4 teinté, en tout cas. Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça fait Zumba comment par, oui, bah, café. Ouais, ouais, Zumba café. Ouais. Tous les matins. Ah, bah, moi, je me lève. C'est Zumba café. Ah, bah, sinon, faut pas me parler avant mon Zumba café. Non mais c'était fou quand même. Ed Jul est trop mignon, le gars. Non. Bah oui, on est des boomers, Adrien. Bah ça va, on peut faire des blagues un peu. Ça va. Salaud, en fait. C'est pas moi qui vais vous reprocher ça. Hein. Non mais. Ouais, mais j'ai l'impression. Toi non, mais j'ai l'impression que Yves Montand mal fait pourrait nous en vouloir. Les boomers qui regardent. Bon. Finis tes phrases au moins, putain, le mec il prend le micro pour chanter. Oui, désolé, j'étais emporté dans la chansonnette. Est-ce que vous connaissez TikTok, monsieur Montand de Malfait? C'est un C'est une plateforme avec des chansonnettes où on fait bouger ses lèvres au rythme de la ritournelle. Oui, c'est vrai, ça l'a dit. Il a raison. D'accord. Oui, parce que oui, il dit des choses assez, assez réelles. C'est un peu réducteur sur TikTok. Il n'y a pas que du oui, blague. Oui, c'est vrai. Oui, bon, bah. Oui. Oui. Il est vraiment très gentil, ouais. Ouais. Il est, mais il se tient quand même assez au courant pour un vieux, assez au courant. Oh, vieux, doucement. Je préfère dire que ma jeunesse est partir à la pêche. Allez, moi, c'est non. Pardon, mais en écoutant tout ça, je me dis j'ai quand même hâte que les théâtres réouvrent pour que tu puisses jouer un peu ce spectacle. Pour mon one man. Ouais, putain. Ouais, toi, il est monté mal fait. Lourd, lourd, lourd. Ça s'appelle. Hey, « Eh, les voix dans ma tête, ça vous dirait pas de sortir prendre l'air ?» Ouais, que tu vas rôder à Avignon, là, cette année, je crois. Ouais. Bah, si Avignon a bien lieu, c'est parti. Alors, c'est le festival off, hein, bien sûr. Évidemment. Est-ce que je pourrais faire ta off première partie off. Avec mon 15 minutes François Hollande Oui, bien sûr. Je vais. Ok, d'accord. Ouais. Parfait. Si tu fais, tu fais de la musique avec ton pénis également, ça... je fais de la musique avec mon pénis. On mettra d'ailleurs la chanson de fin pourrait être Tubland, la musique faite avec les bruits de pénis de Pierre. Attendez, parce que je crois que les gens on leur a jamais expliqué ça. Je crois que c'est un peu. Écoutez, avec une app. Alors en fait, bah Pierre, tu veux peut-être expliquer la partie. Ça, est-ce que pénis. Ça pourrait pas être Adrien, c'est un roco de fin d'émission, j'ai l'impression. Maroco musique. Bah, là, ce que vous venez d'entendre, par exemple, ce n'est pas un bruit de pénis de Pierre. C'est Adrien qui en avait marre. Oui. Non, tu veux peut-être expliquer, Pierre, la partie bruit de pénis. Bah non, mais attends, juste. Trop tard. J'ai perdu toute motive. Je bafouille. Je pensais qu'on devait déjà la mettre dans un podcast et qu'on s'était dit non. Mais après, je suis très chaud pour en parler. On peut ne pas la mettre, mais juste expliquer. Je pense qu'en expliquant ce que c'est, les gens comprendront pourquoi on l'a pas mis. Et après, ils feront un sondage de leur côté et ils nous diront. Mais pourquoi on mettrait pas c'est toi qui veux pas. C'est vous qui avez refusé la dernière fois. Ah bon, moi, j'étais bah non, pas du tout. Moi, je suis chaud. En fait, en le réécoutant, ça m'a mis dans une ambiance. Je vais vous parler très personnellement. En le réécoutant, je sais pas. Je trouve que ça met un peu mal à l'aise. Mais tu peux raconter d'accord, ce que c'est. D'accord, ok. Pierre. Bah alors, je peux raconter. En fait, j'ai. Ce sera avec le Patreon. Vous pourrez l'entendre avec la blague du week-end. Évidemment. Non, mais c'est vrai que la vie m'a pas gâté, hein, contrairement à m'a gâté. comme dirait un gamer, j'ai été nerf par la vie, mais j'ai été aussi buff, j'ai été aussi pimpé d'atours ou alors de petits skills, comme on dit dans le gaming aussi. C'est-à-dire que je peux faire pas mal de choses avec mon sexe. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un podcast qui parle de masculinité. Là, c'est très gênant. Mais non, juste, je peux faire de la musique, effectivement, avec mon sexe. Des voilà. Sons, des sons. Des sons, oui. Ouais. Bon, oui. La oui, musique, bon, c'est là où j'interviens. Et c'est vrai que dans une volonté un petit peu inspirée de gens comme Chrono Music, Vladimir Cauchemar, des producteurs de sons, on a décidé avec Adrien Méniel d'essayer de faire une prod. Voilà. Voilà, donc j'ai samplé le pénis de Pierre avec une app qui s'appelle Koala Sampler sur l'iPhone. Et puis bah, j'ai composé, j'ai fait une petite prod avec uniquement des samples tirés du pénis de Pierre. Voilà. Bah, est-ce que, donc... faut juste pour figurer un peu ça, c'est faut dire aux auditeurs que vous voyez Timbaland. Figurons Pierre, t'as raison. Non, mais est-ce que si vous voyez Timbaland, bah là c'est Tim Tumbland. Il y avait Tom Maland, hein, pardon, mais. Oui, Tom Maland, oui. Ouais, ouais. Ouais. Pardon. Mais c'est parce que Tubland est le titre du morceau, c'est pour ça. Ouais. Mais bon, bah allez, c'est la fin de cette émission. Non, on est sur des blancs après chaque réplique. Mais non, on est sur Discord. Merci. Adrien. Non, mais en tout cas, Adrien, c'est vraiment un alchimiste de la prod et c'est vrai qu'il nous a fait un truc absolument incroyable. On l'appelle d'ailleurs Tequila Tub. D'ailleurs, on l'appelle Tequila Sexe. Oh oui, bah voilà, mais c'est pour ça que, écoute, c'est une V1, c'est une V2, c'est un ping-pong, d'accord. Ah là. C'est magnifique. Ça brainstorm, putain. Ça brainstorm à donf. N'hésitez pas à faire des tape beats sans mauvais jeu de mots et n'hésitez pas à poser votre voix sur ton... Vladimir Brakmar. Quelle meilleure façon de mettre fin à cette émission. Merci beaucoup. C'est encore mon émission. Du contraire. 2020, ce fut aussi quand même l'année de La Flamme qui est toujours disponible sur MyCanal. Oh la saison 1 avec Jonathan Cohen, avec Leila Bekti, Adélie Varchopoulos. La Jean-Guille. Ah mais oui, putain, mais alors quand même, merci beaucoup. Parce que là, Jean-Guil, bon, je raconte ma life quelques minutes, mais oui. Là, Jean-Guil, qui était une fête que nous avons inventée avec Jonathan et Jérémy dans la série, et Canal a décidé d'acter la date de la Jean-Guil en novembre. Sachant qu'ils n'ont pas vraiment acté la date, ils ont dit la Jean-Guil est repoussée et elle a lieu du coup le 14 novembre. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé la date, mais c'est vraiment un report parce que la date de la Jean-Guil n'a pas encore été communiquée dans la série La Flamme. Bref, et ça nous a quand même fait plaisir parce que c'était quand même rigolo. Plein de gens, pendant le confinement, sont pris au jeu, sont déguisés, ont beurré des tartines. Et c'est assez marrant. Et d'ailleurs, je vais reprendre ce que disait Adrien. C'est assez rigolo parce que la Jean-Guil, les gens ont oublié que c'est une fête profondément antisémite à la base. Peu de gens ont souligné ça quand il y a des gens quand même, moi ça m'a fait marrer, mais qui ont mis la fête sur des boulangeries et tout. Et c'est rigolo parce que dans la série, effectivement, on explique que Jean-Guil recevait des hauts dignitaires nazis à sa table et que c'est une fête qui encore aujourd'hui est interdite aux juifs. Et Adrien notait avec intelligence que c'est un peu le propre des traditions qu'on refait sans réfléchir, sans se dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'elles évoluent avec le temps, et les gens le font sans réfléchir. Et bien sûr, c'est ce qu'on voulait faire dans la série. Bien sûr que non, c'était juste des blagues à la base. Non, mais ceci mis à part, moi j'ai vraiment kiffé voir les gens se déguiser, m'envoyer les stories, ça m'a fait super plaisir. Tout ça pour vous dire que la série est toujours dispo sur MyCanal, et n'hésitez pas à streamer ça à donf. Voilà, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas Canal, ça me fait penser... Pour les fêtes de Noël, il y a un DVD qui sort. Alors, c'est un DVD, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Ça a été fait un peu à la va-vite, mais mine de rien, c'est sur DVD. Donc, si vous ne voulez pas vous abonner à MyCanal et que vous êtes un amoureux ou une amoureuse du format physique, c'est disponible en DVD aussi, double DVD pour l'intégrale de La Flamme. C'est 20€. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous abonner à MyCanal et vous avez toute la saison 1. Adrien, Derby Girl, est disponible ? Absolument, oui, sur France TV / gratuitement. Gratuitement, la plateforme, voilà, une série, voilà. Alors si, apparemment, si vous aimez le roller derby, ne regardez pas, parce qu'apparemment, ça n'est pas. J'ai vu un tweet qui disait, ouais, c'est la mort de l'esprit derby. Aïe. J'ai envie de leur dire, ça concerne vraiment très peu de gens, l'esprit derby, voire même peut-être, ça n'existe pas vraiment. Wow, ouais, c'est vraiment quelque chose. Wow. Non, mais je veux dire. Après les barathons, Adrien. Après les férues de marathon, on a les férues de derby au dos. Non, mais je comprends. Mais d'un autre côté, voilà, il y a un peu un côté, je rejette le truc parce que ça ne correspond pas exactement à mon expérience du truc. Voilà. On peut aussi, enfin, tu vois, voilà. Moi, j'ai sauvé des gens dans un hôtel et pourtant, j'aime Die Hard, tu vois. Parce que c'est pas un hôtel d'ailleurs. J'ai tout raté. C'est la fin de ce podcast. Mais tu es également dans une série Canal Plus qui arrive en décembre, Adrien. Mais what? Calls, Adrien. Calls, bordel. Oui, pardon. Oui. Putain. Non, mais oui, bien sûr. C'est parce que j'ai regardé la bande annonce et j'ai cligné des yeux à un moment et je n'ai pas vu mon nom du coup. Non, oui, bien sûr, je suis dans Calls. J'ai la chance immense de faire une apparition. Alors, apparition dans Calls, alors que c'est que du son. Bah, ne jouez pas sur les mots déjà. Vous êtes Baudelaire. Non, mais tu mets. J'ai l'impression que tu mets tes propres craintes dans la bouche de gens qui n'existent pas vraiment. Non, pas du tout. laissez-moi m'exprimer comme il se doit. Énorme chance, très très heureux de voilà, c'est stylé quoi. Est-ce que je peux essayer de faire une imitation d'Adrien Méniel qui sera dans Calls? Oui. Vas-y, on t'écoute. Je vais tenter un truc. Mais ton son, ça ne va pas marcher, Pierre. Je te rappelle tes effets sonores. Attends, attends, on écoute. Oui, allô. C'est moi. C'est Adrien Méniel. Je suis vegan. Est-ce que c'est pas mal ou pas? Oui, c'est bien, mais par contre, je croyais que ça ne marchait pas, tes mais effets. Mais Adrien, dans oh là là, je t'ai dit que les samples, oui. Enfin non, ça ne marche pas, mais la voix, c'est enregistré comme vous m'entendez. Alors, Florent, est-ce que tu avais compris ça? Pas du tout. Voilà. Donc, c'était après, encore une fois, pas du tout clair. Après, on Pierre. Est deux bons cons. On est deux bons cons, non, Adrien. Non. Peut-être que, voilà, ça n'avait... C'était pas du tout clair, Pierre. Pour un Streamlord, mec, je suis désolé. Mais bon. J'ai failli dire Pierre Claire. Oh, mais d'ailleurs, Streamlord, quelle magnifique transition. Adrien, ta chaîne Twitch. J'ai Twitch. Putain, mec, il y a Twitch. Non, bah, je sais pas quoi dire. Mais non, mais je sais pas. Oui, 2020, c'est l'année où je me suis mis à Twitch. C'est une ère de jeu très, très, très enrichissante. Voilà, une nouvelle. Moi, je suis un gamin, tu vois. Si je m'amuse pas, je peux pas, j'y arrive pas. Non, je comprends. Ouais. Non, mais voilà, j'ai découvert Twitch pendant le premier confinement et ça m'a plu. Et ça m'a plu de découvrir des nouveaux moyens de je sais pas, je vais pas dire de m'exprimer, mais en tout cas de faire des blagues et de divertir, apprendre une grammaire nouvelle, un support que je connaissais pas, tout ça, voilà, c'est très stimulant. Et puis voilà, on rigole bien, on fait des trucs, voilà, parfois avec Pierrot, le bilingo, avec sa Go XLR. Putain, t'aurais pu utiliser plein d'effets depuis le début, tu l'as pas fait quoi. Mais j'ai essayé, mais voilà, vous êtes en Pierre, vous Pierre, savez. Effectivement, quelle belle transition, tu es également très présent sur Twitch. Une OP, le mec. Oui, j'ai l'autotune sur ma Go XLR, suivez-moi sur Twitch. Ouais, donc ouais, je fais un peu Twitch en ce moment. Je prends un peu de confiance, je passe des bons moments avec la communauté qui est vraiment bienveillante et c'est ça qui est vraiment très très cool. Et puis passer des bons moments aussi avec Adrien, non, c'est cool de pouvoir jouer et c'est vrai que ça fait une petite fenêtre dans ces confinements où je me trouve très chanceux d'avoir ça. Et c'est vrai que ça rythme un petit peu la semaine et non, c'est trop trop cool. Et voilà, même si je suis très jaloux du PC de gamer de Adrien Meyel. C'est l'élite, hein. Je suis l'élite après. T'es l'élite, c'est vrai, le snob encore. Mais bon, après, j'essaye d'essayer de voir un peu avec certains équipementiers s'ils peuvent un petit peu m'aider. Comme par exemple Logitech. non, mais voilà. PlayStation 5 non, surtout. Mais oui. De quoi, pardon? PlayStation 5 surtout. C'est mais vrai. Oui, c'est vrai. Après, voilà, on peut. On est ouvert à tout. L'un n'empêche pas l'autre. Logitech, si franchement, même les Knacky Erta, enfin, moi je prends tout. Hein, donc, ouais, tout quoi. Pas moi par contre. Non, mais ils font des VG. Erta font des produits vegan maintenant. Bah oui, voilà, ça disait ça. Non. Non, très bien. Twitch, et 301 vues aussi, Pierre, toujours. 301 vues, bah ouais, c'est la première fois de ma vie qu'on m'offre un peu de stabilité. Donc ça, c'est vraiment trop cool. On s'amuse, j'essaye de retrouver. Bah, des invités un peu cool pour parler d'internet, c'est trop trop trop trop bien. Donc tous les lundis tu y rayonnes, Pierre, dans cette émission. C'est vrai, tu as trouvé ta place. Oui, tu y rayonnes. Ah bah c'est gentil, sauf quand j'ai un masque trop petit où j'ai envie de m'étrangler en fait, si vous allez voir. Mais d'ailleurs, comme tu me l'avais dit hors antenne, de toute façon, en plus tu trouves ça inutile les masques, donc ça te fait un peu chier de les mettre quoi. C'est vrai que ouais non, je suis ouais, très peu de masques et anti-vax surtout. Évidemment. Je suis vraiment anti-vax. Mais ouais, non, ça se passe bien. Et puis bah, des projets lourds qui arrivent. Évidemment. Et vous m'inspirez en fait. Voilà, évidemment, t'es un homme. J'essaie de suivre vos pas. Oh. Voilà, écoute, vous êtes des cracks. Je ne sais pas. Énorme craquitos. Je pense que tu fais une erreur, Pierre, mais très bien. Ah. bah voilà, écoutez, je voulais juste aussi répondre vite fait parce qu'on m'a pas mal envoyé de messages. Par rapport aux émissions que j'ai faites sur Énergie, en gros les gens me disent mais c'est pas dispo en podcast tout ça, ce n'est pas le cas, et parce que ce n'est pas le cas, j'essaye de voir en ce moment si je peux pas récupérer les émissions et essayer de faire un truc un peu best-of et vous le balancer sur la chaîne de Floodcast, vu que on fait absolument pas bien, en vrai. Vu qu'on fait absolument pas d'argent sur cette chaîne YouTube, je pense que ça se négocie. Je sais que je pense pas que ça pose de soucis à Squeezie, faut jouer avec Énergie. Mais ouais. Oui, c'est vrai que ce serait cool. Enfin, il y a eu des chouettes moments dans cette émission, et puis il y a eu plein d'invités. Et d'ailleurs, j'ai hâte qu'on soit déconfiné, parce que du coup, moi, j'ai pu rencontrer des gens vraiment super où j'ai kiffé comme parler Gotaga. Avec eux. Mais comme Gotaga, non, mais typiquement, tu vois, des gens que je ne connaissais pas. La frustration un peu de la radio, c'est qu'on est un petit peu rythmé par la musique et les pubs. Mais le peu de discussions que j'ai pu avoir, les quelques moments de jeu m'ont fait me dire. Il y avait des gens super. D'ailleurs, Squeezie, en l'occurrence, n'est jamais vu dans Floodcast et j'aimerais vraiment qu'il vienne. C'est vrai. Tu citais. Surtout qu'il écoute. Il écoute oui. Et il c'est grâce à Floodcast. En plus. Ouais. Non, mais c'est. Ouais, il était venu au Bataclan pour le deuxième Bataclan. Bah ouais. Et Squeezie First en plus. Squeezie First. Et on l'a pas mal répété dans cette émission. Non, mais voilà, donc que ce soit Squeezie, Lena Situation aussi. Dwagby. Enfin, il y a plein de gens. Il y a plein de gens que j'ai. Domingo, plein de gens que j'ai croisés. Qu'est-ce que tu as dit? Domingo et Dwagby. j'ai dit. Ah oui, Dwagby, oui, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, c'est des gens, en tout cas, avec qui j'ai rappeur parlé. Rappeur dissident aussi, je crois. Ça rappeur dissident, bien sûr, ouais. Évidemment. Mm. Donc voilà, j'essaye de voir avec énergie si je peux vous les mettre en best-of, parce que vous l'avez remarqué, on fait moins d'émissions, parce que c'est sympa, les trucs sur Discord, mais c'est ingérable à plus c'est de vrai. 3. Ça me fait chier de faire qu'on se force à faire des épisodes. Là, c'est tout naturel de les faire comme ça. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des épisodes à distance juste parce qu'il faut absolument les faire. On n'a jamais conçu le podcast comme ça et donc c'est pas maintenant que ça va arriver. Mais effectivement, on a hâte que ça se déconfine pour refaire des émissions autour d'une table et bien rigoler. Voilà. Merci les gars. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao. Bye. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.